Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin nous dira ce qu'il en pense vraiment dans son bulletin Gartin. Et Frédéric Bernard demandera l'avis d'Internet dans Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 21 octobre 2015, 188 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Salut, ça va? Bon matin, oui, ça va bien et toi? Oui, très bien. Il fait pas trop froid ce matin, alors c'est quand même assez soutenant. C'est ça. Faut voir le bon côté des choses. Oui, il faut. C'est ça, t'as beau avoir il le moral. Soleil. C'est ça, t'as beau avoir le moral à terre, mettons. Ouais. Dis au moins, il y a une émission de radio qui s'en vient qui va nous remettre de bonne humeur. Et voilà. Si c'est le cas échéant, dépendant, je sais pas comment vous vous sentez, je vous connais pas tant. On est là pour ça. C'est ça. Je vais pas commencer à parler à chaque personne individuellement. Non. Je sais pas combien de temps ça prendrait, mais... Donc aujourd'hui, à Assemblage Reiki, votre émission matinale en pièces détachées, on a un petit plan bien sympathique du mercredi. On a deux habitués à 8h, c'est Sébastien F. Gartin. Et son bulletin Gartin nous parle d'actualité, de nouvelles partout dans le monde. Mm-hmm. Et il analyse ça à sa façon. Hein? Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe lui posent une question à Internet. Je pense que ça a rapport avec la mi-session, son sujet de cette semaine. Ah oh ouais, oui, déjà, non? Comme ça. Donc, à 8h30. Il y a aussi ta chronique à toi, Tania, est-ce que tu t'ignores de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, hier, on a parlé je vous ai présenté, en fait, trois femmes très influentes internationales. Que je croyais qu'il y avait quand même assez de puissance au niveau de ce qu'elle faisait, mais aujourd'hui, je parle d'argent. Cash money! Oh oui! Ouais. Donc, ça va être tout à l'heure. On a aussi notre classique du mercredi qui est absolument sexy, mais ça ne devrait pas. On l'a. Mais commençons le plus vite possible en musique pour avoir le plus de temps possible pour faire tout ce contenu-là de fou. En commençant avec la musique de Simon Kearney. Oui, en fait, on va aller écouter Californie, qui est une pièce qui n'est pas au palmarès, mais qui est quand même très bonne. Ah, t'as du goût! Ah! Oh. L'assemblage requis jusqu'à 9h30. Canada, est-ce que tu penses à ça? Californie de Simon Kearney ce matin à l'assemblage requis. Ah, Californie, endroit chaud. On aimerait ça y être, hein? Tellement. Des palmiers, de la chaleur. On aimerait ça vivre dans le futur aussi. Puis Colin, ça a l'air bien, on est dans le futur. Ben oui, ça a l'air. Mon Dieu, Back to the Future, t'as vu. Hey, ça va être plate pour tous les grands médias qui l'ont annoncé à chaque maudit de crime d'année. Ben oui, depuis hein. comme des décennies que hey, c'est la journée de Back to the Future. D'après moi, ils regardaient pas les bons films. Je pense pas que non. Ben, ils se faisaient avoir par Internet. Puis là, ben, maintenant que c'est arrivé, les gens vont passer sur une joke. Ouais, en effet. Mais on n'a pas encore... Ça a-tu été inventé, le fameux skateboard qui flotte? Ouais, ben, tu sais qu'il y a des prototypes, là, c'est mais... Ça, ouais, mais c'est... est-ce que c'est vraiment pareil comme dans le film? Non, ah non, mais ça serait fou, ça quand serait même. Ouais, bon. Gars, on n'achèterait pas des affaires comme ça qui n'existent pas. On achète des affaires qui existent, mais qui ne devraient pas. Puis ça, ben, on l'a. Hein. Mm-hmm. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique et des gadgets ridicules à se procurer sur Internet. Hein? Mm-hmm. Ben oui, c'est vrai ça. On commence avec des petites cartes. Si d'accord. Dire, bon, des cartes, c'est un peu plate. C'est quoi, ça va me faire un tour de magie? Ouais, c'est ça. C'est quoi l'affaire? Donc, ben c'est ça, c'est Sneaky Cards. Ça a commencé en 2009. C'était un enfant de 16 ans qui a inventé ça pour un concours par le site Boing Boing et l'Institute for the Future. On parlait de futur il y a quelques instants. Donc, c'est un jeu qui est gratuit à télécharger en ligne. Tu imprimes et découpes les cartes okay. et tu les places dans le vrai monde. Donc, le créateur Harry Lee décrit le jeu comme étant quelque chose de créatif, amusant et qui crée des interactions sociales. Par exemple, tu vas avoir une carte que tu vas tirer qui va être écrit dessus. Donnez cette carte à quelqu'un qui vous fait sourire. Donc, à la première personne que vous voyez qui, pour peu importe la raison, vous fait sourire. Et là, t'as un petit code pour retracer cette carte-là. T'as le site web sneakycards.com. Et les gens, quand ils trouvent la carte, ben ils doivent la remettre au suivant. C'est un peu comme du pay it forward, donner ouais. au suivant. Sauf qu'à la place, leur slogan, c'est play it forward. Jouer au suivant. C'est bien. C'est le fun à toi. Je trouve que c'est une bonne idée. Tu peux en avoir une. Bon, il y en a une carte qui demande de mettre la carte dans un livre que vous trouvez quelque part. Donc, oui, il y en a qui c'est comme des défis. Hein. Il y en a une, c'est mémoriser un poème. Ah, c'est difficile ça. Ouais, quand même. Très difficile. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Donc, vous pouvez télécharger ça sur le site sneakycards.com. Ensuite, les produits pour les gars et pour les filles sont souvent divisés comme ça par le sexe, par le genre. Mm-hmm. Et on se demande tout le temps pourquoi. C'est par vrai. Par exemple, des serviettes humides flushables de toilette, mais seulement pour les hommes. OK, mais pourquoi est-ce qu'elles sont seulement pour les hommes? Ben, pour absolument rien, mais c'est ça. C'est écrit dessus qu'elles sont à la vitamine E et à l'aloès. OK. Je pense que pas mal toutes les serviettes humides sont à l'aloès et à la vitamine E. J'imagine que le parfum dedans est... Ça dit pourquoi c'est spécialement pour les hommes. Ouais. J'ai vu pourquoi, mais dis-moi pourquoi. Eh bien, c'est spécialement pour laver vos parties génitales, vos monsieur. Vos parties génitales, mais justement, pourquoi est-ce que ce serait différent avec une serviette pour homme? C'est le parfum? Mais parce que, ouais, probablement que c'est le parfum. Mais le parfum, le gars, on s'entend que ça sent le douchebag. Je voudrais pas sentir des... Mais ça veut pas dire, ça doit sentir l'aloès. Ouais, vu qu'elle est à l'aloès. Justement, si ça sent l'aloès, tous les produits sentent l'aloès. Le savon unisexe sent l'aloès. Mais bien souvent, pour les parties féminines, les femmes vont utiliser des produits qui sentent rien. Tu sais? Inodore. Ben, moi, je préfère de loin les produits inodores, de toute façon. Bref, bon. 44 grands carrés de 1 pouce chaque, c'est ça que ça dit? Ouais. C'est... Finalement, on dirait une enveloppe à condom. C'est pas ça, Tania. C'est chaque serviette qui mesure 44 pouces carrés. Ah, voilà. Voilà, et contient de la vitamine E et de l'aloès relaxant, de l'aloès calme. Faut juste pas se tromper en essayant de sortir le paquet qu'on veut sortir. C'est ça. Ouais, c'est marqué, de sa poche. C'est marqué « Let it rip » sur le côté. Ouais, en let plus. Let it rip. Est-ce qu'on voudrait pas d'un condom, hein? Laisse-le déchirer. Non. 10h44. Protégez-vous. Par emballage. Oui, exact. Ensuite, tu sais, quand tu vas mettre ton vélo sur le rack à vélo, ton petit, comment on appelle ça, ton cadenas. Mm-hmm. Et là, ben souvent, les gens vont se faire voler leur siège. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui l'enlèvent. Oui, ils enlèvent leur siège, ils mettent leur cadenas sur le vélo, mais il faut qu'ils transportent leur siège au bureau toute la journée. C'est plate un peu, donc pourquoi ne pas avoir un siège qui sert aussi de cadenas? Voyager partout dans la ville sans avoir à traîner votre siège de vélo, c'est qu'il est retirable du vélo. Il peut être allongé pour former une chaîne qui mesure 1 mètre de long. Pour pouvoir l'utiliser pour barrer votre vélo. Ça coûte 100$ pour ce gadget-là. C'est quand même pas si pire, 100$ pour ça. C'est ça, un cadenas sophistiqué pour écouter dans ces prix-là. Je sais pas si c'est aussi solide, parce qu'il a pas l'air aussi épais, mais en même temps, ça dépend du matériau et non pas de l'épaisseur de la chose. mais c'est bien. C'est une bonne idée. Ensuite, tiens, un jouet qui a l'air d'être pour enfants, mais que je pense qu'on pourrait avoir du plaisir même entre adultes. C'est un fusil qui tire des anneaux de vapeur. OK. C'est de la vapeur, c'est un Vapor Blaster Gun. Avec c'est vert fluorescent pour la carcasse du fusil, mais mm-hmm. ça tire littéralement de la fumée, un peu comme une cigarette quand tu fais des anneaux de fumée avec une cigarette. Pas toi, parce que t'es pas aussi dégueulasse que ça. Mais c'est le fun. Okay. C'est comme jouer à tag. Ouais. Si je te touche, mettons, avec l'anneau de vapeur, t'es mort. OK. Donc, c'est des anneaux non toxiques et complètement sécuritaires. Ça peut tirer jusqu'à 12 pieds de distance. Oh, quand même. C'est quand même surprenant. 24,10 $ américains. Ça, c'est bizarre parce que j'ai vu la nouvelle passer dans les derniers jours. On en parlera peut-être dans la prochaine édition, une grosse pointe en dresse. Mais les Lucky Charms, la compagnie derrière Lucky Charms, va sortir des boîtes avec des guimauves seulement. Hein? Mais ça, c'est seulement en quantité très, très, très, très limitée. Donc, n'importe qui pourra pas acheter ça au magasin. Oh non! Ouais. Mais ici, là, c'est pas Lucky Charms, c'est une autre compagnie. Okay. C'est Who's Your Hill. Et c'est un sac de guimauve d'une livre. Arrêtez de compter les calories, nous dit-on. Hein? Savourer si la cher, vie. Cher, en plus. 11 $ pour le sac d'une livre. Ça a bien du sens. Ça a du sens. C'est parfait pour mettre sur des pâtisseries, peut-être sur des gâteaux même, un gâteau de fête. Juste manger le même. Ouais, à la main ou à la cuillère. Oui. Ah, j'ai mal aux dents, j'essaie de penser. Ouais, avoue que les guimauves de Lucky Charm, quand t'étais jeune et tu mangeais ça, ça faisait tout le temps squeak-quick entre les dents, puis là, ça graissait. Ouais. Mais j'adore les Lucky Charms, mais ça... Ah, le bonheur de la vie. Donc, Hoosier Hills Charms Cereal Marshmallows, sac de livre. Ensuite, si vous étiez avec nous l'année passée, il y avait un gros party dans le Dôme, c'est fou. Oui. Vous vous rappelez peut-être, voulez-vous recréer l'expérience chez vous? Ah? Avec le Dôme de votre nom, de votre maison. Hein? Simple à installer et environnementalement équitable, le Garden Igloo est une alternative à une tente. C'est un dôme géodésique fait de PVC, de tuyaux de PVC et de jointures de nylon à haute efficacité. C'est couvert de PVC transparent. Ça mesure plus de 7 pieds de haut et à son plus haut point... Dôme, évidemment, c'est un demi-cercle, on s'entend. Ça fait 12 pieds de diamètre, donc plein de place à l'intérieur pour chiller, Netflix and chill à l'intérieur de l'île. Netflix and chill. C'est ça, vous pourriez faire ça. Puis c'est ça. Il y a aussi l'option de rajouter un petit auvent. Est-ce que tu veux à combien est-ce que ça se détaille? Ouais, combien serais-tu prête à payer, toi, pour un dôme, c'est fou, dans ta cour? Pas autant que ça. Ben, 1 000 $. 1 000 $. C'est très cher. C'est mais j'avoue qu'elle s'est fait en PVC, en nylon. Et ils ont ajouté des petites lumières à l'intérieur pour faire un effet cool. Ils ont peut-être pas un projecteur avec le logo de C'est Fou, mais proche. Parce que nous, notre dôme était vraiment cool. C'était vraiment plus cool que ça. À chaque semaine, on parle de quelque chose qui goûte le bacon, à savoir le bacon qu'on conçu avec du bacon. En temps normal. En temps normal, on a parlé de choses à la caféine des fois aussi, mais là, c'est du bacon en confiture. Bacon Jam, c'est ce qui est le fun, c'est que sur l'emballage, t'as aussi des animaux qui jam avec leurs instruments de musique, donc c'est de la Bacon Jam, tu comprends le principe? Donc, c'est ça, c'est sucré et salé en même temps, c'est fait à partir de vrai bacon, ça vient en Variety Pack, qui te permet d'essayer trois variantes distinctes, comme la tartinade confiture de bacon au poivre, t'as celle au chili, et t'as l'original, donc c'est plus une tartinade qu'une confiture, même si ça dit Bacon Jam, c'est dans le nom, là. Moi, je dirais que le nom Bacon Jams me donne l'impression que ça va être une confiture. C'est vrai. Mais bon, c'est pas une confiture originale. On dirait quasiment un confit de... Ouais, genre... Tu sais, comme quand on parle de confit d'oignon, là, ça ressemble à ça. C'est exact, parce qu'on le voit de plus près, là, une fois tartiné sur la petite biscotte qui a donc l'air délicieuse. Mm-hmm. Ça ressemble à un mélange entre une confiture et une tartinade et ce que t'as dit, un confit. Ouais. Ça a l'air excellent. Mais ça a l'air très bon. Pour 44 $ pour les trois pots, là. OK, pour les trois. Oui, l'emballage Variety Pack. Pas cher. Okay. C'est quoi? C'est 15 $ par pot. Ben, quand même. Ah, tu es dans des produits faits. Il faut que tu le veuilles, ton bacon en tartinade. Ben, ça donne bien. Elle le veut. Elle le veut. Elle le veut. Ben, fais-le. Ben, tiens. Une grosse pointe à l'adresse, on amène des produits d'Internet, ce serait cool. Ouais. Ensuite, est-ce que tu ronfles? Non. Ben, ça dépend. De toute façon, je ne veux pas le savoir. Clairement, je te demandais ça, c'était rhétorique. Ah, je suis désolée. Donc, il faut que tu répondes oui de toute façon à toutes mes questions. Fait que oui, tu ronfles. Parfois. Donc, tu voudrais arrêter de ronfler. Oui, On va t'enlever ce problème-là. Hein. OK. Il y a plusieurs marchés sur le produit. Le produit sur le marché. Remettez ça dans l'ordre. Il y a plusieurs produits sur le marché qui vous aident à arrêter de ronfler. Ça peut être des bandes sur vos narines. Ça peut être une thérapie par le choc. Ça peut être plein d'autres choses dans votre nez. Nora, c'est un projet sur Kickstarter qui vous aide, nous dit-on, d'une façon relativement moderne. Donc, Nora, c'est un appareil en forme de bille qui se met entre votre table, table à côté de votre lit. Mm-hmm. Et en fait, qui se met sur la table à côté de votre lit et qui écoute vos ronflements. Une fois que ça détecte les sons, ça va vous empêcher de ronfler en bougeant votre tête par une insertion à l'intérieur de votre oreiller, en fait, en dessous de votre oreiller. Donc, okay. Ça va vous faire bouger en vous donnant une petite tape en dessous de la tête. Ben oui, parce qu'en théorie, on le dit souvent, exemple que, ben on va beaucoup dire ça aux femmes, là, mettons que ton mari ronfle, ouais. Donne-y un coup. Ouais. Juste le fait de bouger va faire en sorte qu'il va arrêter de ronfler. Je connaissant la plupart des filles que je connais, ils vont se faire un malin plaisir à sacrer un coup sur la tête. Hein? Mais tu sais, des fois, tu t'en rends pas tout en compte. C'est vrai. Si toi aussi tu dors, c'est si tu t'endors après. Oui. Là. Là. Là, là. Là, là. Là, là, faut qu'on jase. Pour faire bouger ta tête, ça utilise une petite pompe placée dans un étui, si on veut, qui va... est-ce que c'est... qui va à côté de votre lit, c'est ça? Okay. Ouais, c'est ouais. Comme ça va à côté, ouais. Il y a une pompe par terre à côté du lit. La pompe va gonfler la vessie de en dessous de l'oreiller qui va vous faire bouger votre tête sans vous réveiller. Wow. C'est ça. Ça vous permet d'utiliser n'importe quel oreiller que vous voulez. C'est complètement silencieux. Et ça vient avec une application, évidemment, sur votre téléphone pour savoir comment vous avez dormi et comment vous avez ronflé. Pour en acheter une, vous allez devoir payer 179$ sur le Kickstarter de la compagnie. Et vous allez recevoir ça en mai 2016. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de détails dans l'article. Ouais, hein? Vraiment beaucoup. Mais quand même, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ensuite... C'est une autre chose qu'on pensait pas que ça avait besoin d'être amélioré. Ouais. Mais finalement, ce n'est pareil, c'est la Loo Blade. C'est une nouvelle façon de laver votre bol de toilette. OK. Ouais. Ça m'intrigue, là. C'est ça. On améliore quelque chose qui existe depuis toujours. Les créateurs de Loo Blade nous disent pourquoi leur design est si amélioré. C'est fait d'élastomère TPU silicone flexible qui ne gardera pas les bactéries. Comme les brosses à toilette font d'habitude. Mm-hmm. Pour la nettoyer, on a simplement à la brasser avant de la réinsérer dans le rack. Le matériau lui-même a des propriétés antimicrobiennes. Ça tue 99,9% des microbes. En plus de ça, le bout pour nettoyer la toilette a 8 lames en spirale qui performent une genre d'action squeegee. Ouais, hein? Lorsqu'elles sont insérées dans au fond de votre toilette, ça nettoie plus rapidement et de façon plus efficace. Et comme il n'y a pas de poils, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de gouttes d'eau qui vont tomber par terre quand vous transportez de la toilette au rack. Je pense que c'est surtout ça qui voulait améliorer. C'est ça qui est le plus dégueulasse. Donc, c'est ça, c'est Loo Blade, L-O-O-B-L-A-D-E. Un design qui se justifie côté prix, 23$. Pas si pire. C'est sur Kickstarter, il faut attendre jusqu'au mois de décembre cette année pour avoir votre propre édition spéciale. Là aussi, encore beaucoup d'images, beaucoup de détails. Ça vous montre l'avant-après de votre ancienne brosse et la nouvelle Loo Blade. Mm-hmm. S'il fallait qu'on commence à acheter chaque affaire qui est améliorée sur Kickstarter, ben, on aurait une chronique complète qui s'appelle « Ça existe, ça devrait pas. » Je pense que oui, hein? Ouais. Ensuite, tiens, les montres intelligentes, c'est vraiment cool. Oui, mais toi, t'aimes beaucoup, hein? J'adore ça. Je trouve ça vraiment trop cher pour l'instant. Oui, c'est très cher. Ah. Mais moi, j'adhère pas tant à cette idée-là. De tout avoir sur tout ma... Ouais. Mais moi, c'est que j'entends pas et je sens pas ma vibration dans mon pantalon. OK. Je mets tout le temps les messages. Quoique, en ce moment, j'ai absolument personne à qui parler. Mais quand t'as besoin, c'est le fun de l'avoir. Oui, j'imagine que c'est très, très pratique. Et de répondre sur la montre aussi, c'est cool. Mais est-ce que ça vaut 570$ pour le modèle que je veux, qui est comme pas super cher, qui est pas le dans les plus chers du tout? C'est vraiment très cher. C'est le questionnement aussi. Plus taxes. Mais c'est que ça va... Tu sais, on dit pas de téléphone au volant, pas de ci, pas de ça. Mais là, tu vas tout avoir vraiment, là, vraiment à portée de main. Oui, oui, oui, oui. Tu sais, est-ce que t'as idée à quel point ça va devenir genre un fardeau? C'est un peu obsédant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, non, je suis d'accord avec ça. Tu sais, comme ce matin, j'ai oublié mon téléphone cellulaire. Ouais. Je vis bien pareil. Ouais, t'aurais pas pu te servir de ta montre à part pour savoir l'heure parce qu'il faut qu'il y ait ton téléphone dans ta poche. Tu sais, fait que ça serait revenu à rien pareil. Non, je les vois les inconvénients, mais j'ai de la difficulté à m'empêcher de l'acheter pareil. Ah, ça a été un fan de tout ce qui est... Ben, c'est ça. Apple, on va se techno. Dire. Techno. Exactement. Donc, bref, une montre intelligente, c'est pas tellement personnalisable à part changer de bracelet pour un autre bracelet. Il y a pas grand-chose de personnalisable tant que ça. Donc, pour les aventuriers, les athlètes, les fanatiques d'informatique, de technologie, on dit que c'est la première montre personnalisable, montre intelligente, bien sûr. C'est la Blox Modular Smartwatch. avec un design quand même assez joli et la possibilité d'échanger plusieurs modules avec différentes caractéristiques qui sont faites pour vraiment personnaliser votre montre. Ce qui veut dire que, par exemple, il y aurait un module SIM qui va faire que votre montre va devenir une vraie, un vrai téléphone mm-hmm. avec tes contacts et tout dedans, sans besoin de ton téléphone cellulaire à côté. Ça pourrait être la température, l'altitude, etc. Il y a des modules comme le GPS, le battement cardiaque, une pile de plus pour durer plus longtemps, un NFC pour les paiements sans contact, le transfert de données. Tout ça par des petites... un peu comme les montres en métal, où tu as différents liens que tu peux enlever pour la grandeur de ton poignet. Donc c'est la même chose, tu peux mettre le nombre de petits modules que tu veux après ça. C'est une plateforme ouverte, donc les développeurs et les petites compagnies peuvent construire des modules spécialisés, ajoutant encore plus de fonctionnalités à votre montre. C'est $285 américains et plus sur Kickstarter, mais l'idée est quand même vraiment bonne et le look du métal un peu acier brossé me plaît vraiment beaucoup. Ça fait très Apple, comme aluminium brossé, genre métal brossé. C'est vrai. C'est très joli. Ensuite, on revient au nez. Mais c'est pas pour le ronflement, celui-là. Ça s'appelle Airing. C'est le premier appareil de CPAP. OK? Oui. Sans fil, sans masque et sans hose. CPAP, là, c'est ceux qui ont des problèmes de respiration, si je me rappelle bien. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une définition du mot CPAP. On va aller voir. C'est pas la chaîne politique gratuite. Ça, c'est CPAP. La ventilation en pression positive continue. CPAP, une ventilation mécanique permettant de traiter certaines maladies du sommeil, comme le syndrome d'apnée du sommeil. Hey, ça là. Ça fait peur. Ça fait très peur quand tu dors dans le même lit que quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil. Ouais, t'as peur des fois de l'avoir toi-même. Tu sais, j'ai des problèmes de respiration et d'allergie et j'ai le nez tout le temps bouché. J'ai l'impression qu'un jour, je vais m'endormir puis je me réveillerai jamais. Je suis d'accord, mais hey, c'est vraiment stressant. Là, t'es comme là puis t'attends. Tu comptes le temps que l'autre personne respire pas. C'est obsédant. Moi, ça me fait capoter. Ma mère fait ça. Aïe, aïe. Ouais. Eh bien, elle doit en prendre soin parce qu'elle est encore avec nous. C'est stressant. Ouais. Donc, un nouvel appareil CPAP qui a pas de hose, pas de fil, pas de masque, rien du tout. Ils ont fait ça pour les gens qui ont l'apnée du sommeil, bien sûr, et d'autres gens. Donc, c'est ça. On dit que de ceux qui sont diagnostiqués avec un problème comme ça, seulement une petite fraction suivent leur thérapie CPAP correctement. Donc, mettre ça. Si on n'utilise pas l'appareil, ça peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de perte de mémoire et de démence, et aussi des maladies métaboliques. Donc, en utilisant leur système microblower, qui disent « Airing va éliminer tout ce qui n'est pas pratique, toutes les limites des thérapies par CPAP. » Donc, Airing est un appareil CPAP, dit-on, que les gens vont utiliser. Donc, c'est vraiment... la personne a juste ça dans le nez, et c'est sans fil, absolument aucun fil dépasse de son nez. Comment ça fonctionne, ça ne dit absolument pas dans l'article. Absolument pas. Mais non. Quand même, ça dit que c'est... un petit peu... Blablabla. Il n'y a aucun détail sur comment ça fonctionne. Mais ça coûte $70 américains, ça c'est important. C'est pas cher. Si ça fonctionne comme ils le disent, c'est vraiment pas cher. Ensuite, pour l'Halloween qui s'en vient, on cherche tous un masque. Ou j'imagine pour ceux qui voulaient aller voter aussi avec un masque. Peut-être vous auriez pu vous faire passer pour une personne âgée avec un masque réaliste de vieux monsieur. OK. Peut-être pour avoir un rabais sur votre café, aussi dans un restaurant où ils servent les 65 ans et plus moins cher. Avouons-le, sur la photo sur assemblagerequis.com, ça a l'air très très réaliste. On dirait vraiment une photo d'une personne, hein? D'une vieille personne, d'un vieux monsieur à moustache avec plein de plis d'en face. Et non, c'est un masque. Il y a en plus de très très très énormes oreilles. Mm-hmm. Parce que quand tu vieillis, tes oreilles grossissent. C'est-tu vrai, ça? Je sais pas. C'est un masque de silicone qui vous donne la liberté d'aller vous promener sans vous faire reconnaître, peut-être. Plein d'avantages à ça. Tout ça, évidemment, c'est en silicone réaliste. Fait, je sais pas si c'est sur mesure, mais ça coûte $680. Et ben. Tu te rappelles, dans le temps, et même encore aujourd'hui, certaines places ont encore ça, des verres qu'on appelle des jazz paper cups. C'était des verres de papier avec un design très très, très années 90, pastel, avec du bleu et du mauve. Avec des vagues un peu... Dans l'année 90, je pense qu'on sait tous... Il y avait beaucoup de restaurants qui avaient ça, mettons, comme des diners. Exact. C'est aussi populaire que les verres maintenant avec Coke, le logo de Coke dessus. Mm-hmm. On dirait qu'ils sont tellement pas chers que tous les restaurants ont ça. Bref, donc, donnez-vous une petite dose de nostalgie en étant assoiffé. Oui. Voilà. Donc, ça vient avec un genre de... Comment dire? Une petite couche cirée pour évidemment ajouter de la rigidité. Et ça a le design classique bleu et mauve, populaire des années 90, pour $15 l'ensemble. Tu sais, si t'allais t'acheter de la slotch, bien souvent, ça venait dans un un verre comme ça. Je me rappelle pas. C'est l'ensemble de 100 verres de 7 onces pour $15 américains. Ensuite, ah, qu'on parle tout le temps de café, encore un autre café, mais cette fois-ci avec infusion de merlot. De, ben, pas merlot. Merlot. Mais le merlot. Mais le comme merlot. Le vin, là. D'accord, mais merlot, merlot. Donc, après avoir. après avoir soupé, des fois, on se prend une petite coupe de vin. Oui. À la place, on pourrait remplacer ça par une coupe de café. Ouais. Hein, pour vous réveiller pour le reste de la soirée. Hey, c'est comme la meilleure combinaison ah, au monde. Je sais donc, Merlot Infused Coffee. C'est des grains 100% arabica vieillis dans des barils de oak wine barrels, donc des barils de vin, leur donnant des, une petite subtilité, un petit goût subtil de merlot et de baie et des trucs comme ça. Le seul buzz que vous allez avoir est de la caféine parce que les grains ne contiennent pas d'alcool, malheureusement. Mais quand même. Quand même, parfait comme cadeau pour quelqu'un qui aime le vin ou le café ou les deux. On trouve ça où, là? Parce que là, moi, j'en veux. Sur Internet, bien sûr. Les liens sur assemblagerequis.com. Et moi, je me demandais, comme l'article le demande, est-ce qu'on sert ça dans une coupe ou dans une tasse au haut? Oh! Au haut. Bonne question. C'est sur le site Uncommon Goods. Ça se vend au Canada. Vous pouvez le commander au Canada. Et ça coûte, ouais? Pop-up, tasse-toi, 27,14 $. C'est pas spé, pas spé. Vraiment très bien. Je tiens à dire, je désire avoir ça pour Noël. Okay. Alors, à n'importe qui veut m'offrir quelque chose pour Noël. Et ça, c'est de 12 onces. Je veux le vin au café. Ah, 12 onces de café. Je sais pas combien ça va faire de moi avec ça, mais... Ah, bien. Je sais pas. Ensuite, on reste dans les breuvages. C'est des bâtons pour brasser votre chocolat chaud. L'hiver arrive, la température descend, hein, on veut se remettre de bonne humeur avec les Hot Cocoa Stirring Sticks. C'est des blocs décadents de chocolat noir attachés à un bâton pour brasser dans du liquide chaud. Oui! Par exemple, du café, du chocolat chaud, du lait, peu importe, aucune cuillère requise. Ça vient en emballage de trois saveurs, caramel salé, menthe vanillée et truffe française, j'imagine vanille française. C'est fait à la main à San Francisco, en Californie. Ça a l'air absolument délicieux. Évidemment, plus le temps avance, plus ton chocolat va fondre dans ton chocolat chaud et donner de la saveur encore plus. J'ai déjà vu ça, mais avec quelque chose d'autre. Quoi donc? Si je me souviens bien, c'était au sirop d'érable, mais c'était pas nécessairement du chocolat. Mais oui, c'était une cuillère de sirop d'érable, mettons. Wow. Puis là, tu pouvais faire fondre ça dans ton café. Mais c'est donc bien une bonne idée, ça. Ouais. Ah, j'aime ça. Wow. C'est de belles idées, ça. Et fait à la main, en plus. Donc, tu pourrais avoir seulement un lait chaud et brasser ton bloc et ça te ferait du chocolat chaud. Mm-hmm. Alors que ton chocolat chaud, lui, deviendrait juste un chocolat chaud à la saveur que tu as choisi. Ouais. Ah, c'est parfait. Ensuite, ça, c'est vraiment cute. C'est une lampe pour améliorer votre vie, peut-être de la luminothérapie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça, mais c'est des lampes en forme de gros nuages cumulus. OK. Et tu as des lumières télécommandées, des lumières LED à l'intérieur. On peut choisir 16 couleurs différentes et ton nuage va être de la couleur que tu veux. Et sur les photos, en tout cas, ça a vraiment l'air d'être un nuage. C'est vrai, hein? Et ça coûte 40 $. Pour une chambre d'enfant, décoration de chambre d'enfant, ouais, c'est très bien. Exact. Et c'est sur Etsy. Donc, en ce moment, ils sont tout vendus, mais peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Ensuite, on revient au vin. Des fois, tu prends peut-être ton bain, Tania? Parfois. Bain, Tania Baudin, vin. Là, c'est beaucoup t'sais, de... Tu sais, exemple, vendredi passé, là, j'ai animé... Dans ton bain? Incroyable. Mais, j'ai animé les deux parties de soccer qu'il y avait du côté du séminaire de Trois-Rivières. Puis quand je suis revenue, j'étais congelée. Ouais. Donc, exemple que je suis vraiment congelée, que j'ai passé la journée à l'extérieur, ben là, je vais prendre un bain. Ben, peut-être que tu aurais besoin de vin aussi dans ton bain, Tania Baudin. C'est sûr que ça serait une très bonne combinaison. Donc, c'est une succion, une petite sucette. Oui. Pour dans ton bain, qui tient, oui, qui tient ta coupe de vin. Pour vrai? Demain. Ben, je te jure. J'imagine qu'on peut la mettre dans la douche aussi. Ouais, ben là, oui, j'imagine que ton bain et ta douche, un, sont la même place, et non. Deux, sinon, le même genre de surface sur le mur pour empêcher l'eau, parce que c'est un peu la même chose. Non? Le ouais. Mur. Oui, Tania, tu peux l'acheter pour le vin, pour le bain, et pour la douche. Pourquoi c'est de la misère entre bain et vin? Mais c'est parce que moi, mon côté de bain, il est pas fait en tuile comme ça. Ben, change de bain. Ouais. Pour pouvoir avoir ta coupe. C'est ça. Ça coûte 13,37 $ canadiens. Oui, disponible au Canada. C'est fait à la main et c'est construit en plastique ABS et PETG, réalisé sur commande, envoyé depuis l'Ohio aux États-Unis. Et c'est magnifique. Ça tient jusqu'à 10 livres. Donc, des méchantes grosses... Ouais, des grosses coupes, là. Si t'es rendu à 10 livres de vin... Eh ben! Et si t'achètes deux racks, ça te fait 26 $. Et pour 25 $ et plus, t'as 25% de rabais. Fait que, tu sais... Ça vaut la peine. Alors regardez ça, le Bathtub Wine Glass Holder sur assemblagerequis.com. C'est tout pour ça. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Dans quelques instants, Sébastien F. Guertin sera là pour son bulletin Guertin. Mais avant ça, on a quelques messages à se prendre. Peut-être aller chercher une petite coupe de vin en frigidaire à cette heure. On est de bonne heure. C'est ça. Revenez là. Partez pas même, je dirais. Non, c'est ça. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki, on est mercredi 21 octobre 2015. Tania Baudin est là. Avec Mathieu Plante. Ben oui. Mais on a quelqu'un d'autre aussi en studio. C'est vrai, on a Sébastien Vigartin. C'est cool. Avoue que c'est quand même un privilège qu'on a, là. Ben oui. On chialera pas, là. Non, à chaque semaine, en plus. Exactement. À chaque semaine, au lieu d'à chaque deux semaines, comme avant, mais on arrête de vivre dans le passé, Tania Baudin. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Voici le bulletin Guertin. Bonjour Sébastien F. Guertin. Bon matin. Ça va bien? Ben oui, vous autres? Oui. Est-ce que t'as aimé ton lundi soir? Ouais. Vas-tu nous en parler? Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Probablement que oui. Ah, Sébastien qui nous parle souvent de politique, de nouvelles internationales. On te connaît pour le Zone Campus et tu viens nous parler comme ça chaque semaine, une fois de ta chronique, une fois pas de ta chronique. Ouais, mais dans cette émission, on dirait que ça a tendance à se mêler un peu. C'est vrai. Parce que j'ai un peu fait allusion à ma chronique la semaine dernière, qui n'était pas encore publiée d'ailleurs. Fait que c'était des spoilers. Puis cette semaine, j'ai le goût d'en parler, mais en même temps, j'ai le goût de pas rien qu'en parler, parce que justement, lundi soir... Dis-moi en plus, là, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait de l'impro, ça. Il y avait de l'impro, ouais. Mais il y avait aussi la soirée électorale. Ah, ben moi, juste. Puis, je vais revenir à ma chronique deux secondes. Ma chronique cette semaine, c'est que je vous expliquais pourquoi est-ce que je ne vous avais pas dit pour qui voter. Oui, tu nous as fait le tour la semaine passée de ça. Là, c'est ça. De chaque parti, pour qui. Pour ceux qui voulaient voter. Ceux qui devraient voter pour ce parti-là. C'est comme, on se rappelle, les milliardaires qui trouvent que les femmes ont trop de droits pour les conservateurs, par exemple. Mm-hmm. Ou les gens qui ont une petite larme à l'œil quand ils entendent l'hymne national canadien pour les libéraux, par exemple. Mais en fait, ce que j'ai fait exprès de ne pas faire, c'est de vraiment dire, bon, ben, on devrait voter, tout le monde devrait voter pour ce parti-là. Ouais. Mm-hmm. Parce que, donner un peu de background, c'est une tradition nord-américaine que les journaux, quand il y a des grosses élections, des gros votes, d'ailleurs, nous autres, on n'est pas fort sur référendum au Canada, mais aux États-Unis, ils en ont souvent et très régulièrement, en fait. Les États-Unis seraient-ils plus démocratiques que le Canada? La question se pose. Mais quand c'est rendu que le mot référendum ne veut dire que 1995 au Québec, c'est parce qu'il ne peut pas en avoir souvent des référendums. Je veux dire le référendum ici, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a eu trois. Ouais, c'est ça, mais tu sais, en tant que tel, il n'y en a pas même un. Ouais, c'est ça. Hey, je m'excuse, j'ai vraiment la misère à suivre mes idées à matin. Ouais, c'est ça. Donc, les journaux nord-américains, ils ont tendance à... En fait, pas tendance, c'est que l'équipe éditoriale ou l'éditorialiste va dire, bon, ben, compte tenu de la situation actuelle et de différentes autres affaires, vous devriez voter telle affaire. Ouais. On s'attend à ça. Si le journal le fait pas, on se demande pourquoi. Là. C'est ça. Je me suis basé là-dessus. Moi, l'idée m'est venue en lisant justement l'article similaire à ça, qui était dans la presse, ou ce qu'il disait de voter pour le Parti libéral. En fait, c'est même pas tant cet article-là, mais c'est qu'en préface un peu cet article-là, il y en avait un autre qui expliquait la pratique en général. Pourquoi est-ce qu'il le faisait, puis ainsi de suite. Puis moi, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, mais quel tas de mauvais arguments. Parce que leur gros argument, c'est que ben ça fait une couple de centaines d'années qu'on le fait depuis qu'il y a des journaux en Amérique du Nord. Fait que on va continuer de le faire. Bon, moi je trouve ça déjà. Continuons à aller à l'église aussi, tu sais, tant qu'à c'est faire. C'est ça, tu sais. Tradition. Tu sais, c'est rendu là, votons tous conservateurs et retournons travailler dans des champs. En tout cas, la tradition, on s'entend que, ouais. Fait que c'est ça. Ben, premièrement, moi, c'est le premier gros argument pour pas suivre ça, c'est que quand tu te bases sur l'argument de la tradition, t'as déjà pas grand argument. T'sais. Tout à fait. C'est ça. Bon, deuxièmement, l'autre affaire, ce qui me dérange, c'est que, bon, tu sais, il y a un gros biais idéologique là-dedans. Tu sais, on le voit quand on lisait justement l'article de la presse. Il disait, tu sais, une grosse partie de l'article, c'était peser les pour et les contre des autres partis autres que le Parti libéral, c'est-à-dire principalement les contre. La seule à peu près affaire positive qu'ils ont dit pour un parti autre que le Parti libéral, c'était pour le NPD qui disait « Le NPD, c'est un peu défaite de ses affaires de gauche, là. » Fait que on trouve que c'est une bonne affaire. Là, ils sont retournés plus vers le centre, là, comme un bon parti libéral. Là, fait que c'est une bonne affaire, ça. C'est tant mieux pour eux autres. Mais au bout du compte, les libéraux sont mieux pareils parce qu'ils sont plus au centre. Puis là, moi, je me dis, je lis ça, puis je me dis personnellement, je veux dire, je pense que c'est assez évident que je suis pas tellement un gars de droite, là, dans la vie. Là. Non, c'était comme un sous-entendu, je pense. Ouais. Là, moi, je lis ça, puis je me dis, ouais, mais cette opinion-là vaut pas de la scrap pour moi, quelque part, parce que, je veux dire, c'est basé complètement sur une autre idéologie que la mienne. Ça veut littéralement rien dire pour moi. Puis je me dis, on s'entend que dans la zone campus, on s'adresse probablement à des gens qui sont un petit peu plus de gauche que la presse. Ouais. Mais ça reste que néanmoins, moi, mon point de vue qui va être nécessairement teinté par le fait que je suis un petit peu de gauche dans la vie, ça va pas nécessairement parler à tout le monde à qui s'adresse le journal. Fait que c'est là encore, je trouve, tu sais, je me dis, il va y avoir du monde qui en admin, qui j'espère qu'ils nous lisent, qui, je vois des clichés un peu, là, mais qui vont probablement être beaucoup plus de droite que moi, qui vont lire ça, puis vont se dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tu sais, je veux pas. Mm-hmm. Ouais. Fait que bon. Oui. Mais est-ce que cet article-là était sorti avant ou après que justement la presse prenne position que eux étaient libéraux dans la vie? Ben, moi, dans le fait, en fait, ce qui est arrivé, c'est que pour tout clarifier, c'est que aux zones campus, on remet, en tout cas, ceux qui se rendent dans la catégorie chroniqueur comme moi, mm-hmm. on remet nos articles, tu sais, les trucs un peu intemporels, on remet nos articles presque 2 semaines avant publication. Ouais. Dans le fond, quand il y a un numéro qui est publié, nous autres, on remet nos articles le vendredi de la même semaine pour le numéro d'après qui sort quasiment 2 semaines après. Ouais. Donc, l'article de la presse était sorti quelques jours avant le... Je pense que c'était... Mettons, j'ai remis mon article le vendredi. Puis je pense que l'article de la presse était le mercredi avant, un truc du genre. Faut qu'il venait juste de sortir. C'est ça. Ouais. Moi, il était sorti. Okay, ouais. Puis là, moi, c'était crève-cœur au bout parce que, tu sais, c'est sûr que ça aurait été le fun de commenter sur la soirée électorale, mais... Le journal sortait le lendemain de la soirée électorale, ouais. Mais il fallait le remettre avant. Et non seulement ça ne change pas les dates de sortie du journal, mais en plus, étant donné que notre imprimeur faisait aussi imprimer des trucs par rapport aux élections, ils nous ont demandé spécifiquement est-ce qu'on peut envoyer le journal avant 6 heures le soir. Alors qu'avant, on pouvait l'envoyer, des fois, on l'envoyait à 8 heures. Ouais. Il fallait vraiment comme être super tight sur le deadline, en plus. Dommage. Ouais. Fait qu'à la place, je vais me gâter ici. Ouais, oui. Ben oui. C'est, tu sais, la perte des uns et le bonheur des autres. Ben oui, ouais, c'est ça. Pour vous, chers auditeurs. C'est ça. Sébastien Cartin. Sur la soirée électorale. Ouais, c'est ça. Mais juste pour clore sur mon article, le dernier argument que je donnais puis que je trouvais qui était le plus important, c'est pour ça que je trouverais plate de juste pas du tout en parler là. C'était juste que souvent, dans les trucs que j'écris, puis quand je viens ici, un peu ma thèse fondamentale, c'est informez-vous et critiquez. Mm-hmm. Pensez critique. Ouais. Fait que moi, d'après ça, aller dire « Ah, votez pour un tel, faites-moi confiance », ça serait complètement contradictoire, puis ça serait contre-productif pour ce que... un peu le message que j'essaie de passer. Mm. Donc, c'est aussi et principalement pour ça que je n'ai pas dit « Votez pour eux autres ». C'est une bonne idée, je pense. Ouais. Voilà. On apprécie ça. Ceci étant dit, la soirée électorale... Ouais. Si, moi, c'est s'est passé, là. Il s'est passé beaucoup de choses. Moi, une chose que je retiens, c'est que il y a eu... Puis on s'entend, j'ai pas pantoute voté pour eux autres, là, mais au contraire. Mais il y a un seul parti qui a fait ce qu'on pourrait appeler une campagne positive. Oui, c'est vrai ça. C'est-à-dire une campagne de parler de leurs propositions et de très peu commenter celles des autres. Ouais. Puis c'est drôle, mais c'est rendu... Ils ont ramassé une moyenne majorité. C'est peut-être ce que les gens veulent, hein? Peut-être que finalement, le plantage entre politiciens, dans peut-être que les gens en ont leur voyage. Peut-être aussi, bien, tu sais. Ouais. Peut-être que c'est pas si vendeur que ça. Moi, je vais faire un parallèle. Je me rappelle au cégep, à un moment donné, j'avais un cours qui c'était juste des présentations orales. Puis une des présentations orales, ben en fait, c'est des communications orales, puis c'est pas une des présentations. On avait un débat à faire. C'était sur un truc, là, fallait qu'on débatte, là, on choisissait deux tunes québécoises, puis fallait dire laquelle qu'on allait se rappeler le plus dans 20 ans. Okay. Puis moi, justement, moi, ça m'avait frappé. L'équipe contre qui, moi, j'avais passé, c'était une tune de Jean Leloup, je pense qu'eux autres défendaient, puis ils ont pas du tout parlé de leur tune, ils ont juste planté à la mienne. Moi, c'était une tune de... moi, c'était... voyons. Tu sais, le band de punk rock un peu, le québécois, là. J'ai le bout de la langue. En tout cas. Simple plan. Simple plan. Stéréo, je sais pas. Non, c'était pas que stéréo, c'était. Vulgaire Machin. Vulgaire Machin, oh. C'est ça, dans plein ça. C'était une tune des Vulgaire Machin qu'on défendait, nous autres. Puis là, ils avaient passé leur temps à nous planter comme quoi c'était négatif comme tune, puis tout. Puis moi, ben, tout ce que j'ai fait, j'ai parlé de notre tune, disais qu'elle était meilleure, puis devinez qui a gagné le débat. C'est tellement une meilleure moi-même. Idée. Moi-même. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans les cours de communication. Moi, j'ai étudié en com. La première chose qu'on dit, c'est de pas planter les autres parties pour lesquelles tu es quitté en débat ou quoi que ce soit. C'est aussi juste logique et comme. Respectueux. Respectueux, ouais. C'est juste ça, moi, mettons. Ben, il y a beaucoup de ça, mais d'ailleurs, tu sais, notre système politique, surtout au fédéral, mais en fait au Québec aussi, c'est ce qu'on appelle le parlementarisme britannique. Ouais. C'est un système politique qui a été inventé par les Britanniques, d'où le nom. Ben oui, hein. Au genre 17e siècle, OK? Puis il y a beaucoup de ça qui est basé sur, tu sais, on s'entend, là, on regarde ça, puis tu sais, il y a souvent des ondes d'ombre de, tu sais, ouais, mais un gouvernement majoritaire, c'est quasiment un dictatoriat, puis tout ça, c'est que. Non, c'est que les Britanniques sont beaucoup comme ça. Il y a un ensemble de lois non écrites. Comme quoi, entre autres, la collégialité, peu importe le parti. C'est-à-dire qu'ils sont rendus là, c'est des élus. Puis les élus doivent être solidaires entre eux autres, même s'ils ne sont pas du même parti. Ben oui. Donc, il y a comme un respect sous-entendu là-dedans. Puis ça, ce principe-là, il a été énormément écorché dans les dernières années. C'est-à-dire, on s'entend, là, les années Harper, c'était dégueulasse pour ça, mais c'est pas nouveau là, que ça, tranquillement, pas vite, ça devient de plus en plus hargneux entre les différents partis. On s'entend, il y avait une belle grosse rancœur des bloquistes contre les NPD, fait qu'on s'entend qu'ils ont été. Tu vois qu'ils n'étaient pas contents, puis qu'il y a eu des. Mettons que le bloc a beaucoup vargé dans les NPD, probablement plus que ce qui aurait été stratégique pour eux autres de faire. Même affaire, les conservateurs, eux autres, ils s'en sont donnés à cœur joie contre Justin Trudeau. D'ailleurs, je pense d'ailleurs que je l'ai même dit la semaine dernière, mais je vais leur dire une petite anecdote en début de campagne. Il y a un stratège conservateur qui a dit un truc qui était, ma foi, prophétique, qui disait « Si Justin Trudeau réussit à se présenter... » C'était juste avant le premier débat qu'il y a eu des chefs. Il dit « Si Justin Trudeau réussit à se présenter avec autre chose que des pantalons sur le dos, ben ça, il va déjà avoir dépassé les attentes qu'on a envers lui. » C'est ça l'affaire, c'est que c'est une des affaires, les conservateurs. Ça, c'est une des raisons, là, puis moi, il y en a qui le savent, je m'en vais enseigner au cégep après mes études, là, en philosophie, justement. Puis... quand je vais expliquer les sophismes, entre autres celui de l'attaque ad hominem. Sophisme de l'attaque ad hominem, c'est le fait de, au lieu d'attaquer l'argumentaire contre lequel tu discutes, c'est d'attaquer la personne. Ouais. Donc, dans le fond, de décrédibiliser la personne devant toi plutôt que son argumentaire. Donc, pis c'est ça que les conservateurs ont fait avec Justin Trudeau. Puis, historiquement, l'attaque ad hominem, c'est même pas un sophisme efficace parce que ça fait ça exactement. Ça a tendance à te revenir d'en face. Soit parce que ça te fait paraître vraiment mal de faire ça quand que tu le fais de manière pas assez subtile. Ou bien, ce qui arrive, c'est que tu décrédibilises tellement ton adversaire que du moment que ton adversaire dit quelque chose de moindrement intelligent. T'as l'air d'un tata. Ben, t'as l'air d'un tata parce que, tu sais, il est pas si niaiseux que ça, dans le fond, je veux dire, on s'entend, là, Justin Trudeau, il s'est quand même rendu à être chef de son parti, c'est un enseignant, je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine éducation, il est pas si niochon que ça, non, tu sais. Malgré ce que Richard Martineau croit. Oh! Ouais, mais Richard Martineau, tu sais, c'est ouais, ça. Exactement. C'est la pointe que j'avais à faire, j'ai lu un article de Richard Martineau qui disait que justement Justin Trudeau était pas grand-chose, puis qu'il était pas grand... Il n'y avait pas une très grande carrière et qu'il n'y avait pas les qualificatifs requis pour être premier ministre. Et par la suite, de faire quelques recherches pour savoir que finalement, le curriculum vitae de Justin Trudeau, pas si près que ça. Ben, c'est ça, tu sais. Puis de toute façon, moi, je pense que faudrait ramener un peu l'idée que quand tu t'en vas en politique, c'est pas une carrière, puis c'est pas un. Oui, c'est un honneur dans un sens, mais c'est pas une affaire que tu vas chercher justement avec ton CV. Oui, ton CV compte là encore, mais c'est pas. Je sais pas comment dire ça. T'es pas un PDG, tu sais. T'es pas non, là. Non, exact. Puis moi, je pense que tout le monde, dans leur vie, peu importe dans quel domaine ils sont, en fait, il y en a pas assez en politique, les gens. Je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer quelques-uns. Il y a pas assez de mécaniciens et de secrétaires en politique. On s'entend, là. Si tu regardes les gens qui sont en politique présentement, là, au fédéral, je suis pas trop sûr parce que je suis quand même un petit peu moins ça qu'au provincial. Mais au provincial, là, tu regardes, c'est qui les députés? C'est des économistes, des avocats, puis des médecins. Tu sais, à un moment donné, oui, effectivement, c'est tous des gens qui ont des grosses études, qui ont un curriculum vitae impressionnant, puis ainsi de suite. Mais c'est que ça prendrait peut-être aussi dans la vie des gens comme normaux, tu sais. On s'entend qu'il y a un petit peu plus de mécaniciens et de secrétaires au Québec que de médecins, tu sais. Ouais. Ouais. Puis je pense que ça représente un petit peu plus la population. Monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, tu sais. Ouais. Des gens que, premièrement, des gens qui sont pas dans la classe haute économique. T'sais. Dans le 1%. C'est ça. Mettons, c'est dans le 5%. C'est pas tous des millionnaires, là. Mais de toute façon, là encore, je trouve que le à part pour des raisons justement de représentativité un peu, le salaire des gens est pas nécessairement un gage de il va faire une bonne job ou non. Ouais, là, ouais. Peu importe de quel bord tu prends ça, là, je veux dire, je connais des gens de gauche qui diraient que n'importe qui gagne au-dessus de 60 000 par année devrait même pas avoir le droit de se présenter parce qu'il connaît pas, il sait pas c'est quoi la vraie vie. Mais je veux dire, là-dessus, il y a toutes les opinions. Je pense que là encore, c'est un peu de l'attaque à Dominem de dire ah, ben, t'as tel salaire, fait que tu devrais pas te présenter, peu importe de quel bord. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, juste pour revenir à Justin Trudeau, je suis pas un grand fan de Justin Trudeau. D'ailleurs, moi, le Parti libéral, puis en fait, c'est un peu là où ce que je voulais y aller aussi, c'est que, bon, on se dit, on va se dire, c'est rassurant parce que c'est quand même le Parti progressiste qui a été élu. Mm-hmm. Même, y compris celui qui a eu le guts d'aller dans le plus progressiste que ce qu'il a l'habitude d'être, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de monde qui ont trouvé que, puis moi y compris, que les libéraux ont quasiment été plus à gauche que le NPD, ce qui est traditionnellement le libéral. Le contraire. C'est ça, habituellement, libéral, c'est un parti d'extrême centre, là, qu'on appelle, là, c'est-à-dire que, tu sais, ils se positionnent pas trop, ils font des trucs d'un bord, des trucs de l'autre, puis ils restent tout le temps en espèce d'équilibre précaire entre les deux. Des fois, tirent un peu plus à droite, là, mais. Ça dépend de qui était là. On s'entend, les années Paul Martin, c'était un petit peu plus à droite, là, mais c'est ça. Puis le NPD, traditionnellement, c'est un parti que jusqu'à récemment, il y avait Parti socialiste dans leur document fondateur. Okay. C'est quand même son... Quand est-ce que le nouveau Parti démocratique va arrêter d'être nouveau? Juste question de même, ça. Ben, c'est que tu changes pas le nom d'un parti aisément. Et puis le Parti PD, c'est plate, moi, j'avoue. C'est ça. Je comprends. Ça pourrait devenir le parti orange, là. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Les gens les connaissent comme ça. Puis, c'est un peu comme une compagnie qui change de nom, ça mêle tout le monde. Là. Ouais. Ben, même principe avec le parti. T'sais, s'ils deviennent, mettons, excusez, le parti démocratie canadienne, mettons. Hein. Ben, le monde va faire. C'est-tu les mêmes que... ou c'est-tu... Ouais, je comprends. Mais mettons, tu peux changer pour une couleur. Mettons, Rock de Tente qui devient Rouge FM, mettons. Ou Optique Laurier qui est devenu Bleu Optique. Ouais. Tout le monde avec une couleur. Ouais, c'est une mode. Mais ça parle aux gens, les couleurs. Mode. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est basic. Il y a personne qui prend le brun, par exemple. Non. Quoi que les conservateurs... Ah! Mais, donc... Ouais, donc c'est ça, c'est rassurant de voir que, comme je disais, c'est ça, c'est le parti qui a quand même fait la campagne probablement la plus progressiste qui a remporté. Mais est-ce réellement un parti progressiste? Parce que malgré ce que je dis, tu sais, on aurait tendance à se dire « Ah oui, c'est ça, ils ont fait un virage plus vers l'avenir vu que c'est un plus jeune chef de parti. Mm-hmm. » D'ailleurs, je sais plus trop qui que je connais qui l'a fait remarquer. Mais ça s'est pas beaucoup dit, mais c'est la première fois que c'est pas un baby boomer, depuis avant les baby boomers, que c'est pas un baby boomer qui est premier ministre du Canada et du Québec, en fait, d'ailleurs, rendu là. Ça, c'est par rapport à l'âge, le baby boomer. Ouais, baby boomer, la génération baby boomer. C'est pas leur apparence ou leur goût. Ouais, non, c'est ça. Ou leur coupe de cheveux. C'est sûr qu'il y a un aspect culturel aux générations, mais c'est ça. Là, Justin Trudeau, lui, c'est un X. Oui. En plein milieu des X. Puis c'est la première fois que ça arrive. Puis je me demande même, j'ai quasiment le goût de le dire, c'est en Occident, c'est la première fois que ça arrive. Ah oui. Fait que. Ça, faudrait revérifier. 43 ans. Okay. Fait que, c'est ça. On s'entend que probablement. C'est ça qu'on. C'est drôle, on en parlait avec ma blonde hier justement, puis on se disait. Souvent, quand on entend, tu sais, on suit pas mal ça la politique, nous autres, puis on s'entend souvent. Ah ouais. Tu t'entends des décisions, puis on se dit, mais ça a pas d'allure, comment ça se fait qu'ils font ça, quoi qu'ils ont pensé, puis tout. Puis là, après ça, mettons, on en parle avec, mettons, nos parents ou quoi, puis eux autres sont comme « Ah oui, non, ils ont bien fait, c'était une bonne idée », puis tout, puis on est comme « Mais comment vous faites pour dire ça? Mm-hmm. » Puis là, on a l'impression, on se dit « C'est drôle, mais probablement que les prochaines années, ça va quand même être un petit peu plus le contraire qu'au fédéral, tu sais. Probablement que nous autres, on va faire « Ah, ça, c'est le fun, finalement, un parti qui fait ça », puis que nos parents vont être tout très bien raides à toutes les fois. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que ça va arriver, parce qu'il y a tellement un clash entre les générations, de toute façon. Oui, surtout les puis même là encore, tu sais, nous autres même, tout le monde ici, mm-hmm. assis autour de la table, on n'est même pas des X, nous autres, on est des Y. Ouais. On n'est même pas de la même génération que lui. Mm. Là encore, il va quand même avoir un clash, probablement. Ben c'est ça, justement, la prochaine génération va être pareil comme nos parents, quoi. C'est quoi, c'est-tu un cycle? C'est pas... Non, en fait, c'est que ça change tout le temps. Ouais. C'est la prochaine génération, c'est ce qu'on appelle les millennials. Ouais, c'est ceux qui ont pas... Ce nom-là, ouais. Ouais, c'est ça. On dit en français les milléniaux, dorénavant, je pense. Okay. Je pense que j'ai ça, c'est la génération du M. Je sais pas. Pour me, myself. Ouais, ouais, ouais. Wow. C'est ce que je me souviens bien. En fait, c'est, des fois, c'est nous autres aussi qu'on se fait dire ça. Puis, ouais. C'est ça. C'est surtout, moi, ce que je trouve qui est significatif, c'est que c'est ceux qui ont jamais eu Internet dans. Qui ont jamais pas, qui eu, ont Internet. Jamais pas eu Internet mm-hmm. dans la vie. Tu sais, qui sont nés dedans déjà. Tu sais, nous autres, je pense qu'on se rappelle tous d'avoir été jeunes, puis de la première fois qu'on a eu le premier modem, qu'il fallait pas, qu'on pouvait pas appeler pendant qu'on était sur Internet. Il fallait que tu demandes la permission, c'est parce que si tes parents attendaient un appel, c'était non, tu vas pas sur Internet. Avec les grosses imprimantes, ah, avec oui. le papier sur le côté. Oh, ça, c'est le one, ça. Qui avait des trous, là. Oui. Ah. On est nostalgique ce matin. Ah, c'est le fun. Bref. Il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas de quoi on parle. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Bref. Fait que j'ai beaucoup parlé de ce qui s'est passé du côté des libéraux. Parce qu'on s'entend, bon, c'est le gouvernement majoritaire puis tout ça. Mm-hmm. En fait, ce que je voulais finir aussi, c'est que ça reste que faut quand même se garder une petite gêne avec eux autres parce qu'ils ont. Faut pas oublier que pendant les années Harper, surtout dans le dernier mandat, ils ont beaucoup appuyé quelques affaires qui n'avaient pas d'allure pantoute de Harper. Une des choses, notamment, c'était la loi C-51, celle qui disait, qui redéfinissait c'est quoi un terroriste, c'est-à-dire à peu près tout le monde qui milite pour quelque chose. Ouais. Et qui aussi disait bon ça changeait ce que le SRS, les services secrets canadiens avaient le droit de en gros on a comme plus vraiment de vie privée depuis que ça s'est passé. Puis les libéraux ont backé ça. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde qui avait dit c'est pas surprenant les conservateurs, mais venant du Parti libéral, quand quel chef c'est le fils de Trudeau, le père de la Constitution canadienne puis de la Charte des droits et libertés, c'est un petit peu drôle. Tu sais, c'est un petit peu contradictoire genre. Fait que ça, c'est une affaire que je pense qu'il va falloir. Tu sais, ça peut être bien, bien stratégique quand ils ont voté pour ça, comme ça peut être complètement. En tout cas, en gros, faudrait les checker. Faut pas leur donner un chèque en blanc. C'est pas parce qu'ils ont fait une belle campagne progressiste qu'ils vont nécessairement l'être complètement quand ils vont être au pouvoir. Mais en même temps, qui surveille les chefs? Tu sais, ils sont au sommet du pays. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On a bien beau être là pour les surveiller, mais ils sont en haut de nous autres pareil. Ben, c'est ça. En théorie, ils devraient être en bas de nous autres. Théoriquement, ils travaillent pour nous autres. Ouais. Mais malheureusement, on voit ça plutôt du contraire. Mm. Puis, ben, c'est de s'informer, puis c'est de critiquer. Puis, quand il y a de quoi qui fait vraiment pas notre affaire, ben, je m'excuse, mais c'est pas très, très populaire, ça, au Québec, là, mais groupe d'action citoyenne, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, comme la centrale nucléaire, là. Bon, OK, là, on s'entend, c'est assez polémique, là, la fermeture, mais ça reste qu'à la base, ça a commencé avec un groupe citoyen qui a décidé de s'opposer à ça, puis qui ont pris les moyens pour qu'il y ait des partis qui prennent position, puis ainsi de suite. Puis, c'est comme le fluor et d'autres affaires comme ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben oui, le fluor, c'est un autre exemple. Je vais en profiter, en fait, pour dire un truc. Tu sais, quand on dit faites votre devoir démocratique, allez voter. Ouais. Voter, tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui ont l'air d'être il faut pas aller voter, puis tout ça, puis non, c'est pas ça. Ce que ces gens le disent, tu sais, mettons du monde un peu plus anarcho ou quelque chose comme ça. Des punks, là. Ouais, pas nécessairement des punks, mais tu sais qu'ils vont dire arrêtez de capoter avec le vote puis tout. Ouais. C'est qu'en fait, c'est que de trop mettre d'emphase sur le vote, le danger, c'est que quand tu votes, regarde, tu fais un chèque en blanc. Si tu fais rien que voter, tu fais un chèque en blanc un parti, puis tu y dis, tu sais, tu y remets ton pouvoir de citoyen, puis tu y dis pendant 4 ans, dirige-moi, moi je veux pas avoir mon mot à dire. C'est pas ça, ouais, un devoir démocratique. Pas ça. Un devoir démocratique, c'est aussi de s'informer, c'est aussi de le faire savoir quand tu t'opposes à quelque chose que le parti fait, parce que regarde, si le parti fait tout ce pour quoi il a été élu, tant mieux. Si t'as voté pour ça, ou même si t'as pas voté pour ça, mais que tu reconnais qu'il a été élu démocratiquement, qu'il a eu la majorité, puis ainsi de suite, ben, tant mieux, tu sais. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on s'attend. Mais si le parti fait quelque chose qu'il avait pas promis, qu'il en avait juste pas parlé, ou qu'il fait carrément le contraire, qu'il brise une promesse, whatever, ben, le devoir citoyen, c'est aussi de prendre des mesures pour collectives, parce qu'on s'entend, c'est pas tout seul que tu vas faire ça. De signer des pétitions, à la limite manifester, envoyer des lettres aux députés, ça c'est d'ailleurs on sous-estime souvent ça, mais votre député de circonscription, vous devriez le connaître, vous devriez avoir son adresse courriel dans vos contacts. Ouais. Parce que s'il y a de quoi qui fait pas votre affaire que le gouvernement fédéral fait, c'est cette personne-là qui vous représente là. Puis c'est cette personne-là que c'est à cette personne-là que vous devez faire parvenir vos doléances, puis c'est lui qui va vous représenter. Lui ou elle qui va vous représenter après au fédéral. Ils doivent être contents que les gens aient pas leur courriel dans leur carnet, parce qu'ils recevraient beaucoup de messages. Les gens savent pas qu'ils peuvent le faire, ça. Effectivement, mais vous pouvez le faire, faites-le. Et prochain bulletin de vote, j'aimerais ça si en bas de la feuille, genre avec les cases, il y avait aussi genre « Je sais pourquoi je vote ». là tu coches ça, ou genre je vote juste parce qu'il faut que j'aille voter, cochez. Ouais. Comme ça, on pourrait éliminer ces votes-là. Hein? Une chose qui serait bien, ça serait qu'on modifie un petit peu la manière qu'on a de compter les votes pour ben pouvoir oui. voter pour la chaise aussi. Oui. Quand tu dis qu'il n'y a pas de quand tu dis que tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés comme ça, moi personnellement, ça s'est réglé entre deux députés et non entre deux partis parce que à un moment donné, tu sais, toutes les parties ont de quoi que je suis complètement en contre, mais en même temps ils défendent aussi des trucs que je suis pour. Fait tu sais, moi ça, personnellement là, tranche de vie, moi ça a été un choix vraiment difficile. Ouais. Moi, vous voyez que j'ai hésité jusqu'à dans l'isoloir là. J'ai vraiment passé proche de faire le X à deux places, puis je me suis révisé là. Tu l'as pas fait aux deux toujours? Non, j'ai pas fait ça. Ça compte pas. Ça. Non, je sais. Ça l'annule. Mais ça reste que. Bon, ton député, c'est important aussi. Oui, c'est qui? Oui, parce oui, que c'est cette personne-là qui te représente. Oui. Mais on vote pour le parti. Mais pour le à un moment donné, il y a des circonscriptions où, que, bon, moi, je votais dans Trois-Rivières. Dans Trois-Rivières, on était chanceux parce qu'on avait quand même des bons candidats dans, exact, ouais. dans certains partis, en tout cas. Là. On a un peu parlé. Là. Il y en a une couple qui était. Moyen, mettons. Douteux. C'est ça. D'une qualité douteuse. Mais entre autres, celui qui a fait le bacon du fait qu'il n'a pas été élu. Là. Ah, hey! Oui, hey, ça, là, j'aimerais ça qu'on en parle. Tu sais, les gens aimeraient ça qu'on joue de la musique, mais on préfère parler, nous autres, des vraies affaires. Ouais, mais Yvon Boivin, truc patente de gosse. Oui, ouais, parce que t'en as parlé aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on est pas mal du même avis que toi. Ben, ouais, parlons-en. Pour ceux qui ne sont pas amis Facebook avec moi, parce que moi, je ne mets pas mes trucs publics dans la vie. Non, c'est mais, ça. Mais non, c'est ça, c'est que pour ceux qui l'ont pas vu, ils vont... Le bacon. En gros, ben ok, j'exagère peut-être un peu, là, mais ça reste que loin, l'attitude était un peu dégueulasse. Moi, je suis plus, flop! Ouais, c'est, ouais ça. C'est ça. C'est que dans le fond, Yvon Boivin, le député, ben le député, excusez, il a même jamais été... Le presque le candidat, député, ouais. Le candidat défait du Parti libéral, ouais. Dans le fond, lui... il s'était fait connaître un peu publiquement parce qu'il a dirigé l'association qui défendait les victimes de la pyrotite. Ouais. Mm-hmm. Ça l'honore complètement. Tout à fait. Par oui. contre, il a un petit peu, comment dire... Tiré dans son propre pépi. Oui, c'est ça. Atteint un peu à cette grandeur d'âme qu'il semblait avoir. Ouais. Quand, se rendant compte qu'il n'était pas élu, dit aux journalistes qu'il se retire de la vie publique et qu'il laisse tomber toute la lutte pour la pyrotite et tout, parce que d'ailleurs au débat il nous avait rappelé, moi j'avais ça en tête, mm-hmm. au débat il nous a rappelé que lui sa maison était réparée. Oui, c'est et vrai. Que, ouais. Et qu'il s'est retiré parce qu'il voulait pas aider Robert Aubin. Non, il voulait moi, pas faire vois. Quelque chose qui aiderait Robert Aubin. Ce qui est un petit peu, surtout d'ailleurs, quand tu vas sur la page publique de Robert Aubin, le député élu NPD. La première affaire qu'il fait, c'est qu'il fait ses remerciements ouais. sur Facebook. Puis les premiers qu'il remercie, c'est ses opposants. Mm-hmm. Parce ça, qu'il disait, on a eu une belle ça. Campagne, mm-hmm. puis c'est important qu'on aille, tu sais, que tous les partis soient représentés, puis tout ça. Puis il dit, moi, je suis content de la campagne qu'on a faite. Ouais. Première affaire qu'il dit, c'est qu'il remercie ses opposants. Puis l'autre, pendant ce temps-là, il donne des coups de pied dans les roches parce qu'il n'est pas content. C'est ça qu'on disait, ça revient à être... Mauvais perdant. C'est la définition même de mauvais perdant, c'est de dire, bon, moi, je ne joue plus, puis tu sacs le jeu dans les airs, tu sais. C'est ça. Un bon gagnant, c'est quelqu'un qui félicite son opposant, comme mm-hmm. tu as dit là. Puis un bon perdant, c'est quelqu'un qui dit, j'admets que j'ai perdu parce que 800 votes, c'est quelque chose, tu sais. C'est comme, c'est quasiment... Puis je me rallie aux gens qui ont voté pour moi, tu sais. Parce que, comme tu le dis, il y a quand même, avec tout ce dossier-là, eu des acquis puis des connaissances que Robert Aubin, oui. peut-être, ne connaît pas. Mais là, il refuse totalement de l'aider dans ce qui va c'est, être... C'est du mauvais sportsmanship, ouais. qu'on appelle dans le sport. Puis ouais. les grands perdants de ça, parce qu'on s'entend, le grand perdant, c'est pas Robert Aubin là-dedans. Les grands perdants, c'est les gens que leur maison n'est pas encore réparée et qui ont été victimes de la pyrotite. Parce qu'il dit, je veux pas aider Robert Aubin, mais en même temps, c'est parce que là, t'étais en train de parler de contre les gens qui ont voté pour toi, entre autres. Puis ça, c'est une grosse partie de monde. C'est à 800 votes d'être l'élu. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui était de c'est ton ça. Bord. Ça a tu été... leur dis non, moi, je veux même pas vous aider. C'est ça. Ça a été très, très flush. Oui, quand comme, même. Comme... moi, je l'ai suivi toute la soirée. C'était... pendant longtemps, d'ailleurs, le libéral a mené. Puis... c'est ça, c'était on avait peur. Ouais. Oui. Ouais. Moi, j'avais des sueurs froides pendant un bon bout de temps. Ça s'est réglé là, dans les dernières boîtes. Là, c'était celui qui a été élu, dans le fond. Fait que je pense que... D'ailleurs, une autre anecdote drôle par rapport à ça, le maire Lévesque s'est présenté au local. Au local de campagne, oui. Hey, ça fait des libéraux, puis il a félicité Boivin, alors, que alors que le résultat final n'était pas encore annoncé. Mais c'est sûr qu'avec tout l'effort qu'on met dans une campagne électorale, on ne peut pas passer sous silence que oui, c'est difficile de perdre. Oui. Sauf que de là, de dire, ben, moi, je m'en retourne chez nous, c'est quand même Robert Aubin qui devient son député. Son député, il va représenter Trois-Rivières pareil pour Yvon Boivin. Fait qu'il se tire automatiquement dans le pied. Ça revient vraiment à être mauvais perdant, comme on disait. D'ailleurs, une autre anecdote, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y en a eu une autre comme ça en Mauricie, dans la circonscription de Champlain, qui fait à partir de Chaoui puis jusqu'à Atuk puis tout ça. La candidate du Bloc, Saki... Je m'en rappelle de son prénom parce qu'il est un peu spécial. Dans le fond, pendant la soirée électorale, elle est allée commenter. Il y avait dans le fond quelqu'un sur Facebook qui avait écrit qu'il était assez content du gouvernement majoritaire du Parti libéral. Puis elle est allée crier des noms en anglais, puis vraiment là, des insultes là, de cours d'école. Là, okay. Là, c'était digne du primaire. Là. C'est puis, comme on disait, le respect, là. Ouais. C'est ça, ça y va pour c'est beaucoup, pas fort. Hein, ça. C'est vraiment pas fort parce qu'elle aspirait à représenter cette personne-là quand même. Mm-hmm. Puis le pire, c'est qu'elle a été interviewée à radio. Je sais plus quel poste, par contre. Je pense que c'était. C'est pas important, de toute façon, on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. C'était pas assez fou. Une autre ça, radio. Mais c'est ça. Puis sa défense à elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle dit: oh, monsieur, tu sais, ce que j'y ai dit, c'est pas discriminatoire, c'est une question de goût. Moi, je pense qu'elle disait entre autres qu'il n'y avait pas de couilles, puis des trucs comme ça. Ben oui, c'est une question de goût. Tu sais, c'est comme, ben moi, c'est une question de goût, tu sais. Puis ça, ça aidait pas pantoute, là. J'ai comme, il est tabarouette. Et si l'autre avait dit: hey, c'est une maudite vache. Ah, c'est une question de goût. C'est une question de goût. C'est ça, tu sais, rendu là. On pourrait aller loin là-dedans. Puis tu sais, c'est parce qu'il y a une différence aussi, un simple citoyen qui dit des trucs, puis quelqu'un qui était candidat à des élections, là, tu sais, puis que c'était directement à cause de ces élections-là, est-ce que ce commentaire-là, on s'entend, c'est passablement ordinaire. Là. Fait que, ouais, il a manqué de sport, il y a un petit peu eu un manque de sportsmanship dans la région, je dirais. Mais tu sais, en fait, il y a eu ces deux-là. Soulignons que l'ensemble des autres candidats dans la région, ça a été très correct. Ouais. De ce que j'en ai vu, moi, j'étais pas impliqué dans aucune campagne, mais de ce que j'en ai un peu entendu dire des gens que je connais qui l'étaient, entre les candidats plutôt, c'était tout assez, tu sais, ça a été des campagnes clean, là, en Mauricie. J'allais dire, quand t'es mauvais joueur, même si tu dis pas, genre, que tu veux plus jouer au jeu, les autres ne voudront plus jouer avec toi de toute façon quand t'es mauvais joueur. Fait qu'ils vont juste plus les inviter à leur petit party. Puis les fêtes pour enfants, ben, il va y avoir moins de joueurs. Mais c'est qu'il va perdre beaucoup de crédibilité aussi. C'est ça. Ben, pour vrai, ouais. Ben, c'est ça. Les gens, ils leur feront plus confiance s'ils agissent comme ça. C'est comme tu disais, Robert Aubin a gagné avec seulement 800. Oui. Ça tenait pas grand-chose, ça, là, ouais. Mais c'est ça. T'as quand même d'autres gens qui ont voté pour l'autre, mais là, en faisant ça... Mais ça d'ailleurs, c'est un truc qui est assez... qui est intéressant avec Trois-Rivières, c'est que... on s'entend, il y a des comtés qu'on appelle des bastions, là, c'est-à-dire qu'ils votent tout le temps pour la même peu importe ses couleurs, qui, ouais, c'est ça. C'est tout le temps de la même couleur, c'est très très rare que ça change. Peu importe ça qui. On appelle ça des... C'était un jeu de mots de Mathieu Plante. Merci. C'est ça, peu importe, ils vont à peu près toujours... c'est assez prévisible pour qui ils vont voter. Il y a des partis qui vont être très... Il y a des partis, des comtés qui vont être très très tranchés, c'est-à-dire qu'ils vont pas tout le temps voter pour la même chose, mais que il va avoir certaines... T'sais, très vite, ça va être facile de savoir pour qui que ça va voter. Puis, il y a ce qu'on appelle aussi des partis baromètres. Ah oui, oui, Il y a aussi des partis, des comtés. Je dis partis depuis tantôt, mais c'est des comtés. Dans le fond, avant d'arriver au comté baromètre, il y a les comtés juste indécis qu'on ne sait pas pour qui ils vont voter. Ça peut aller de tous les bords. Puis, il y a les comtés baromètres. Pis ça, Trois-Rivières, ça en est un. C'est que... en gros, c'est un comté qui a tendance à voter, à suivre les sondages. Ah! Oui! Ah ouais. Généralement, si tu veux deviner qui va rentrer à Trois-Rivières, puis il y a quelques autres comtés comme ça, regarde c'est qui est en avance d'un sondage, puis il y a des bonnes chances que ce soit les autres qui soient élus. Ah oh, ouais! Puis inversement, si tu veux faire un sondage d'opinion, si tu vas avoir une chance de savoir qui va passer... Viens le faire à Trois-Rivières. Viens le faire à Trois-Rivières, parce que d'habitude, c'est ceux qui vont avoir le plus de... Fait que ça s'explique de paquet de façons, puis en fait, c'est un peu inexplicable en même temps. C'est juste que généralement, c'est ça qui arrive. Puis, traditionnellement. C'est ça. T'sais, il y a du monde qui dit que c'est parce que le monde de Trois-Rivières, justement, vote avec les sondages. Peut-être. Moi, j'irais pas jusqu'à dire ça. De toute façon, c'est sûr que c'est, tu peux pas dire que c'est la totalité des gens, de toute façon, qui votent comme ça. C'est une tendance. En partant, quand on dit que c'est une tendance, c'est pas une affaire de tout le monde et de même. C'est que, généralement, tu peux dire qu'il y a un peu ce phénomène-là, mais là encore, c'est ça. T'sais, c'est pas... C'est peut-être, on peut dire généralisé, mais c'est pas totalisé. Ça représente pas la totalité. Ça peut peut-être représenter une majorité. Mais bref. Ça, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que finalement, Trois-Rivières a fini par élire un député sondage. Du NPD à la place. Ah ouais. C'est ça qui est drôle. Ouais. C'est, normalement, ça aurait été... normalement, si on suivait la tradition trifluvienne, ça aurait été Boivin qui aurait été notre député. Ça aurait été on aurait été un comté libéral parce que les libéraux étaient très, très, très, très hauts. Ont fait très, très fort. En fait, même, ils ont fait plus fort que ce qu'ils ont fait dans les sondages. Okay. Ça amène à une autre question aussi de la pertinence des sondages électoraux, mais là encore, ça pourrait être l'objet d'une chronique complète et même de plusieurs chroniques. Parce c'est ça. Ah oui? Ouais. Pas pire, ça? J'aimerais ça une chronique en plusieurs parties avec un résumé de l'épisode précédent. Ben oui. Ouais, j'ai fait ça dans Zone une fois ou deux, quand il y a eu le début du scandale de la rectrice, j'avais fait ça, des chroniques en plusieurs parties. Ouais. Mais ouais. Mais je pense qu'on verra la semaine prochaine, je reviendrai peut-être sur les sondages un peu. Hein. Génial, on reste dans la politique, parce que Colin, les élections, ça arrive pas à chaque année. Mais c'est non. Quand il y en a, t'en profites. C'est pas ça. Hein? Effectivement. Sébastien Viguartin, on te lit dans Zone Campus aux deux semaines. Oh que oui. Il y a un numéro qui est sorti, c'est ça, hier. Ouais. Donc on te lit en page 5, de retour à ta vraie page, là, les pubs à un moment donné. Ouais, c'est t'es ça. T'es en page 7, là, mais là, t'es revenu en page 5. C'est ça, l'éditorial, c'est important. À sa vraie place. OK. Dans presse, l'éditorial, c'est un autre cahier complètement, ouais, c'est pas des actualités. C'est ça. Mais l'important, c'est que tu sois à droite. Ouais, c'est ça. Question de m'achaler un c'est peu. Ça. Les gens qui iront pas, c'était à gauche. C'est ça. Non. Ça veut rien dire, ces phrases. Selon les vraiment. Études. C'est ça. Selon les études. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, on te retrouve la semaine prochaine. C'est les mercredis à 8h. Oui. Merci beaucoup, Sébastien Viguartin. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. On prend une pause au retour. C'est Google Globe avec Frédéric Bernard. La fameuse question posée pour la aux internets, c'est comme ça. Ils disent. Toujours pas de musique. Toujours la pause. Pas de musique. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 21 octobre 2015. Dans quelques instants, Google Globe. Mais avant ça, voici une nouvelle pièce de Yukon Blonde, Confused. Sur C'est fou, 89.fm. Blonde Blonde, Confused, Assemblage Requis, un nouvel extrait de leur album qui est vraiment excellent. Oui, on aime ça du Yukon Blonde. C'est génial. Dans le palmarès, c'est Saturday Night, mm-hmm. si je me souviens bien. Mais exact. Là, ce matin, on voulait faire différent. Fait qu'on vous présente Confused. Exactement. Et leur album à Yukon Blonde s'appelle On Blonde. Ouh. Ouais. Vous êtes Assemblage Requis et vous avez eu droit à une chanson. C'est incroyable. C'est un bon ratio pour nous. Le mercredi, deux chansons, ça arrive jamais. C'est rare. On accueille notre ami Frédéric Bernard, que voici avec Google Globe. Partons à l'aventure. Ah, bonjour, Frédéric Bernard. Capitaine, ça va bien? Ça va bien? Oui. Tu parleras pas de la chronique au complet ou bien... Au complet, j'ai décidé de faire... De À la lutte, je suis quelqu'un de très physique. Fait qu'on m'a dit que ça manquait depuis que je faisais de la radio. Oui. Oh. Je vais me remettre à être très physique. Ben, je vais faire les gesticules. Je comprends pas, là. OK, là, on a une émission de radio. Les gens nous écrivent pour nous dire « Arrêtez de parler, jouez de la musique ». OK, on a ça comme commentaire. Puis là, les gens écrivent aux chroniqueurs, puis là, disent « Arrêtez de parler, faites juste mimer ». Ouais, c'est ça. Fait que là, on va faire quoi? Exactement. Jouer de la musique puis mimer pendant les tunes? Je l'ai dit que ça prenait la caméra 3 en tout le temps. C'est de la radio qu'on fait, les amis. Mais la radio. L'autre problème que je vois, c'est qu'on m'a dit, moi, qu'il fallait que je finisse à 9h. Dans oui, mais jamais. Fait qu'en 10 minutes, fait que je fais ça en 10 minutes. Non, non, c'est correct. Hein. Je vous pose la question, je vous laisse trouver les réponses. Ah, c'est bon, ça. Tu vas nous dire comment chercher sur Google. Explique-nous qu'est-ce qu'on fait sur Google, mettons, dans la vie, si on veut chercher quelque chose, on va sur quelle adresse, mettons? Ben, google.com, que j'ai pas parlé de 3W. Sur... de 3W, okay, mais parfait. Personne ne le fait, là. C'est une vieille règle. Ouais, c'est ça, c'est old school. Tu peux faire comme les gens font, juste taper Google dans la barre d'adresse, puis là, ça va chercher Google pour le mot Google. Pour le mot Google. Puis là, tu cliques sur le lien Google. C'est vrai, hein? Puis tu tapes ton affaire. Ça fait ça, mais... Moi, je fais ça. Le summum, c'est quand on fait ça, ouais. Mais dans Google Chrome. Oui, c'est ça. Ça, c'est magique. C'est génial. Ça me surprend qu'il n'y ait pas un gros logo Google dans Google Chrome. Ouais. Parce que là, il faut que tu ouvres un nouvel onglet pour faire une recherche, ça. Mais c'est pas sa recherche, je peux la faire directement dans la barre. Ben c'est ça, mais là, ça va fermer la page sur laquelle que t'es. Ouais, En tout cas. Hey Mathieu. Oui. Qu'est-ce que t'as fait lundi soir? J'ai écouté les élections. Oui. En me virant la tête entre le match d'impro puis les écrans de TV de la chasse. Oui, ben, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça durant toute la soirée, même que j'ai poursuivi avec les élections. Mais il y en a beaucoup que là, en ce moment, on est en mi-session aussi. Oui. Mm-hmm. Lundi soir, pour ceux qui sont dans des grosses études en ce moment, puis qui sont venus voir l'impro, fait qu'eux, ils ont eu l'impro, les élections, plus leur mi-session, on va penser. Hey, c'est pas facile. Fait qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, souvent? Tu t'endors? Un burn-out. Burn-out. Okay. Trois réponses. C'est ça. Trois, on dort pas, burn-out. Toutes les réponses sont bonnes. Puis moi, ces temps-ci, ben, j'échappe pas à la règle. Alors, moi, j'aime ça parler de moi, dans le fond. Je fais une radio juste pour parler de moi. Mais ça intéresse les gens, c'est ça l'affaire. Ça, puis parler de ta blonde aussi, dans ta chronique. Oui, c'est ça. Mais la dernière fois, c'était ma grand-mère. Mais ça, ce qui donne bien, c'est que c'est la même personne. Oui, c'est ça qu'on disait la dernière fois. C'est parfait. Curieusement, celle qui était blonde, était déçue. Genre, ta grand-mère a ses cheveux? Oui, oui, juste quand elle est blonde. Fait que... À ses cheveux jusqu'à quelque part. Oui, analysez cette phrase maintenant. Ouais. Donc, on en était où? Oui. À dédire la question que tu as posée à Google. Oui, mais avant, la mise en contexte, j'échappe pas à la règle non plus. Alors, moi aussi, je mène une vie trépidante en ce moment. Alors, entre le travail, les ligues dans lesquelles je suis impliqué, mes intérêts divers, autant au niveau de la politique, mais pour ceux qui se rappellent aussi, tout ce qui est série télé. Alors, je pense que t'avais arrêté d'en écouter, c'est pour ça que tu faisais plus ta chronique télé. J'en écoute moins, mais en tout cas, n'écoute moins, mais je n'écoute encore. Ouais. Ils sont pas aussi bonnes, par contre, que je pogne ces temps-ci. Une chronique par session. Exactement, exactement. Ouais. Je poserai une question dans Google sur l'émission. Bref, toute cette vie trépidante là que je mène et qui est juste foufou avec des 10 heures des fois que je me tape et des 12 heures et des 15 heures à cause... Je vous résume ma journée de lundi. J'ai fait un 10 heures, j'ai été à l'impro, ensuite je me suis couché vers 1 heure, je me suis réveillé à 2 heures pour suivre les élections, je me suis recouché à 4 heures. Bref, la question que je me suis posée, c'est comment se reposer sans dormir? Ah ben oui. Ah ben oui. Y a-tu une pilule pour ça? Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Genre, j'ai pas le temps de dormir. On n'a pas le temps de dormir. Y a personne à l'université qui a le temps. Il y a des choses illégales, mais tu sais, je vous conseille pas ça. Non, c'est ça. Tu connais un policier en plus, ça crée. Fais attention. On allait dire, j'en parle. Je parle de certaines alternatives que beaucoup votent, qui est la caféine. Oui. Mais qui est pas une bonne. Oui. On aime tous ça. Y a plein de café autour de. Absolument pas. On n'a pas le droit en studio. Ça, moi, c'est café. Non, non, pas de café en studio. On n'a pas le droit. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas vu. Mais non. Mais c'est toutes des petites baguettes de café. En tout cas. Ouais, sont toutes. on parle des petits cups de. Ouais. Ouais, des petits cups. De Keurig. Mais dans le fond, alors, je parle entre autres, bon, la caféine qui va nous aider pour beaucoup qui sont justement en mi-session en ce moment ou qui sont en période d'examen. Donc, j'ai posé la question à Google comment qu'on fait pour dormir, mais se reposer, mais sans dormir, aller récupérer. J'espère qu'il y a une réponse à celle-là parce que c'est celle qui m'intéresse, là, qui m'interpelle le plus. Oui, ben je sais, surtout toi avec le rythme de vie que tu tiens, toi aussi. Là. J'adore ça aussi. Donc, dans les pages 1 à 5, ben c'est du classique, alors du très simple. Alors, dans le fond, on a la. Ben, dans le premier, on se pose la question, rester couché ou non, tu sais, quand on se réveille en plein milieu de la nuit. Là, alors, je me suis réveillé deux fois cette nuit. Ouais. Deux fois, c'est trop, là. Tu sais, quand on n'est pas capable de dormir. Ouais. Tu sais, on n'est pas capable, des fois, ça arrive, on n'est pas capable de dormir, puis on se réveille, on pense à plein de trucs. Mais est-ce qu'il vaut mieux se cramponner à l'idée qu'il faut dormir? Est-ce qu'on a besoin de dormir à ce moment-là? Ou faire d'autres choses. Alors, c'est un peu la question que se pose le premier site à Internet. Ouais. Eux, ce qu'ils recommandent, c'est si on n'est vraiment pas capable de dormir, c'est de faire d'autres choses, mais pas faire la chose à laquelle on pense. Par exemple, faire du lavage, nettoyer de la vaisselle. Oui, c'est, ben, les voisins vont vraiment aimer ça, du lavage à 4h du matin, je le sais. C'est sûr que ça va te rendre heureux. Mettons que vous habitez en maison, OK? Puis que vous n'avez pas de voisins trop proches en campagne, OK? Mettons. Pour ceux de la campagne. Donc, pour ces personnes-là, vous pouvez faire du lavage. OK. La permission est donnée. Faire du dessin. Ah. Fait que plein de trucs. Inventer des trucs là, qui sont classiques, là, que vous pouvez faire, mais pas un truc principal qui vous préoccupe. Là, oui. C'est pas des examens, des études ou des trucs comme ça. Ça sert à rien. Ou écouter la télé. Curieusement, il y a plein d'endroits qui recommandent que c'est pas une bonne idée d'écouter la télé avant d'aller dormir. Mais les infopubs, ça endort? Ouais, ben ils disent que c'est un effet somnifère d'écouter la télé. Bon. Bon. J'ai pas dit que tout ce que je dis dans Google, c'est vrai non plus. Donc, c'est à vous de faire le filtre. Ouais. Faites vos recherches après pour savoir si c'est bien ou pas. Ensuite, une nuit blanche. Comment qu'on fait pour revenir d'une nuit blanche? Ah, j'ai tellement essayé souvent de faire des nuits blanches. Ça marche jamais. Tu finis par frapper un mur à un moment donné et t'es juste plus capable de tenir debout. Ça, je pense que c'est la vieillesse. C'est ça. T'as fait ça dans quelle occasion? Quand t'étais jeune, toi aussi? Non, l'été, au secondaire? Non, l'été? L'été. Ah ouais, tu fais encore ça? Ouais, ça m'arrive. J'essaye, en tout cas. Je me dis, bah, tu sais, j'ai pas assez de temps pour dormir puis être raisonnable, puis sinon, je vais me lever à 4h l'après-midi. Fait qu'à la place, je me dis, je dormirai pas. Je vais faire une sieste dans l'après-midi suivant, puis je vais dormir à une heure convenable le lendemain soir. Ça marche jamais. Je fais ça quand j'ai quelque chose à faire vraiment tôt le lendemain, puis que je dois me réveiller super tôt aussi. Ouais. Tu sais, exemple, que je dois prendre un avion à 6 heures à Montréal, mais je dormirai pas, tu comprends? Ça m'arrive, mais moi, c'est... Pourquoi mon étonnement, dans le fond, je vais l'expliquer. C'est parce que moi, quand ça arrive, c'est par accident tout le temps. Ah, OK. Sur polaire, je fais pas le choix de faire une nuit blanche, en fait. C'est juste que je poursuis quelque chose, une activité, puis hop, je me rends compte qu'il est 4 heures du matin. Ouais. Mais faut dire que t'as 16 ans, tu sais. Faut dire. Ouais. Oui, c'est ça. Je suis même pas majeur. Je sais même pas qu'est-ce que je fais ici. Caméra 3. Mais en fait, c'est ça. C'est sa sentence. Ça paraît. C'est sa sentence pour tes mauvaises actions que tu as fait. On t'a envoyé à travail communautaire ici. C'est ça. C'est un bon travail communautaire. C'est pas pire. On devrait faire ça. Ouais. Donc, la nuit blanche, ben bref, que ce soit par accident ou par choix, comment qu'on fait pour se remettre de ça? Donc, on a plusieurs conseils, mais ce site-là est plutôt intéressant parce que c'est des conseils d'un médecin directement, alors qu'il nous donne des conseils justement comment se remettre d'une nuit blanche. Qu'est-ce qui est la bonne affaire? Donc, il dit. Puis, il dit pas, bon, évidemment que la nuit blanche n'est pas une bonne idée. Fait qu'il explique les différentes raisons de pourquoi, au niveau du corps, c'est pas une bonne idée et tout. Mais bon, mettons qu'elle est inévitable. Après, bon, on a dormir tout le lendemain, est-ce que ça compense? Et c'est bien fait, ce site-là, parce que c'est une question par, c'est une question par paragraphe. Mm-hmm. Alors, dormir tout le lendemain, est-ce que ça compense? On a la réponse. Se doper au café ou aux boissons énergisantes, ça maintient éveillé? Point d'interrogation. Oui, parce qu'il n'y avait pas de... En tout cas, comment limiter l'impression de fatigue? Point d'interrogation. Donc, voilà. Puis là, le médecin répond à toutes ces questions-là. Alors, Il explique par exemple que le café puis la boisson énergisante, ça fait juste camoufler la fatigue et non la régler. Alors que nous, ce qu'on recherche là-dedans dans l'idéal, c'est la régler. Et la solution qui serait idéale, ce serait effectivement de dormir tout le lendemain puis d'essayer de reprendre notre chrono. Un rythme normal, ouais. C'est ça, de dormir comme une partie puis de le soir même de se recoucher, faire une courte journée. Parce que tu t'endors pas, si t'as pas assez de temps entre la journée complète de sommeil et ensuite la nuit que t'es supposé faire après, s'il y a juste 4 heures, je réussirai jamais à me rendormir. Mais il y a beaucoup de sites qui expliquaient le cycle circadien. Ouais. Alors, qui fait que quand que la nuit va tomber, même si tu as dormi toute la journée, tu vas quand même avoir une certaine fatigue qui va s'installer. Mais oui, c'est vrai que je partage ton avis, c'est difficile de. Tu peux peut-être t'aider avec genre de la mélatonine ou quelque chose comme ça pour te. Ouais, moi je suis pas pro pour ça. Mais ils disent de faire une sieste entre 19h et 20h de 20 minutes si tu sais que ta nuit va. 20 minutes, est-ce que je peux doubler ou quadrupler ce 20 minutes? Mais non, parce que là tu vas tomber dans un sommeil profond. C'est ça mon problème, je pense. Hey, 20 minutes, moi je pense que je me réveille puis je suis zombie. Une sieste. Genre. Ouais, c'est ça, tu te fais une sieste, mais tu te réveilles après 20 minutes. Mais il y a des applications sur téléphone cellulaire, il y a des applications pour faire des power naps qui appellent. Oh, ça c'est bon. Ça détecte quand tu relâches, genre ton pet. Puis après ça va te réveiller exactement avant que tu t'endormes dans ton sommeil profond. Ça détecte pas les pets tout le monde. Okay. Mais ouais, c'est ça, il y a des applications qui s'appellent power naps. Mais ton téléphone le sait quand tu t'endors? J'imagine, d'une façon. Je sais pas si on parle de la même chose, mais je sais qu'il y avait une application aussi que tu mettais en dessous de ton oreiller. Oui, il y a ça aussi. Que dans le fond, ça calcule tes sommeils profonds. Moi, c'est comme ça que je me réveille tous les matins depuis 2 ans environ avec une application qui s'appelle Sleep Better. Pas vrai? Ça fait exactement ça. Tu lui dis, mettons, je veux me lever entre 6h. Moi, je marque 6h30, c'est mon poteau maximum auquel je peux me lever. Et ça va te réveiller dans la demi-heure précédente. Jusqu'à 6h30 max, et ça va détecter dans cette demi-heure-là ton cycle de sommeil par rapport à tes mouvements dans le lit, et ça va te réveiller au moment où tu vas être de bonne humeur le matin parce que tu vas être dans un sommeil plus léger. Ça marche? Ah, ça fonctionne très bien. Tu snooze 42 fois tout le matin. Je ne snooze plus, j'ai désactivé la fonction snooze. Ah, man. C'est bien. Juste grâce à toi. On en avait parlé. Oui, je l'ai enlevé. Comme ça, j'ai pas le choix de me lever parce qu'il n'y a plus de snooze. Avant, il y avait un bouton snooze. Mm-hmm. Mais là, il n'y en a plus. Fait que pour l'arrêter, il faut absolument que je scroll puis que je fasse un code. Voilà. C'est compliqué. Je sais qu'il y avait, j'avais déjà vu aussi au Patenteux, parce que je me rappelle plus du nom de l'émission, là, les Nerds. Il y avait un petit hélicoptère réveillé matin qui volait, puis les listes partaient dans la chambre. Fait que là, il fallait que tu te lèves, t'ailles chercher les listes, t'as remettre sur l'hélicoptère pour snoozer. C'est très bonne idée, ça. Mais je trouve pas ça drôle. Pour moi. Bref, la question que j'ai posée, comment se reposer sans dormir, ben, on la retrouve mot pour mot sur. Le site jeuxvideo.com. Ah oui, bien sûr. Hein? Je l'ai pas compris celle-là, puis c'est sûr, le blabla pour les... parce que jeuxvideo.com ouvre une section uniquement pour ceux qui ont une tranche d'âge, juste en montant en haut de la page, pour 18 à 25 ans. Fait que dans le fond, ils vont vraiment par tranche d'âge, pour vraiment qu'il y ait une conversation qui soit plus visée pour cette tranche d'âge-là. Et pas nécessairement sur les jeux vidéo. Pas nécessairement sur les jeux vidéo, on retrouve plein de sujets sur ce site-là, il y en a beaucoup bons qui... On retrouve plein de sujets dont se reposer sans dormir. Fait que, qu'on retrouve sur jeuxvideo.com, c'est quand même curieux. Mais j'en parlerai pas plus, c'est juste parce que j'ai trouvé ça bizarre. J'ai une question. Oui? C'est quoi des vuvuzelas? Ah, c'est des grosses trompettes pour les matchs de soccer, là. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, moi-même. Parce qu'il y a quelqu'un dans le forum qui parle de vuvuzelas. Je trouvais ça très drôle. D'avoir des vous et là, voilà. C'est bizarre comme phrase. En tout cas, vous irez voir ça. comment s'aider à dormir, tu sais, au-delà du fait d'essayer de se reposer. Mais quand on veut dormir, par exemple, ceux qui veulent dormir, qui veulent rien savoir, finalement, de se reposer sans dormir, mais il y a des trucs, là, se faire des massages, prendre un bain. C'est des trucs un peu classiques, mais je l'ai mis là quand même. Comment prendre des bonnes vacances? Il n'y a pas d'écouteurs, il l'entend non, pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'écouteurs. C'est des vous et là. Il y a mis des vous et là. Ah. Mais tu les entends pas. Ben, je pense que j'ai entendu ça, mais je pensais que c'est quelqu'un qui se touchait dans le couloir. On n'a pas porté attention. On a un stagiaire qui est aussi un éléphant. Ben, c'est fou. Prends-tu des vacances, Mathieu, des fois? Oui, ben l'été, on travaille pas bien, c'est fou. Par moment. Je sais pas pourquoi. Je prends pas tant de vacances, non. Tu prends pas de vacances? Mais je prends pas de vacances parce que je travaille pas vraiment l'été. Mais sauf cette année, je faisais le baseball. Là. Mais en tant que tel, on est un petit peu off. Mais tu voyages un peu, ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est une forme de vacances. Ouais, c'est des vacances, mais tu sais, sans avoir vraiment un bloc de 2 semaines où je fais absolument rien. C'est rare que je fais ça. Ouais. Tania, tes dernières vacances? Non, oui. C'était des bonnes vacances. À Vegas, je pense. Ça s'en vient. J'ai pas eu de vacances encore. Ah, pas vrai? Ouais. J'ai travaillé tout l'été parce que je suis rentrée ici juste avant l'été. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai passé l'été à travailler. Puis là, en novembre, je m'en vais. Ben, c'est pas trop des vacances. C'est genre 4 jours exactement. Ben, c'est pas super. Mais je m'en vais du côté de Las Vegas. Ouais. Ah, ben, c'est correct, ça. Ouais. Ben, vous avez... Je vais pour le travail aussi parce que je vais en parler à l'émission. Ah, bon, ben, ça c'est une excuse plus que d'autres choses, je pense. Hein? Ouais, c'est. Je m'en vais à Vegas, c'est pas aussi fou. M'en faire un reporter, ça c'est fou, voilà. Là. Ouais, c'est ça, à Las Vegas, c'est une petite place. Tu payes par la job, ça, tabarnouche? Non! Okay. C'est la job qui paye. Moi, une chance. Donc, je vous ai mis un site justement pour comment passer des bonnes vacances, comment profiter de ces vacances. Alors, l'idéal là-dedans, qui était de décrocher, de pas aller avec le stress, justement. Qui était complètement décroché. L'idée pas apporter son sel du tout, peut-être. Oui, il proposait ça, justement, de laisser son cellulaire à la maison si on part en vacances. Bien s'organiser d'avance si on veut partir à quelque part, mais de se réserver surtout au moins 2-3 jours où on ne fait rien, qu'on est juste à la maison, tranquille, qu'on n'a rien à penser, parce que le fait de prendre des vacances à l'extérieur, et je trouvais ça quand même intéressant, ça cause un stress quand même. Mm. Puis le repos n'est pas nécessairement là quand tu fais tes vacances. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Mais non, ouais, surtout à Las Vegas. Des conseils pour décrocher, fait que par une psychologue, alors pour vraiment comme décrocher quand on est vraiment fatigué, je n'irai pas plus là-dessus. Je trouvais que c'était plutôt intéressant parce que c'est un site sur la psychologie. Mm-hmm. Il y a une fondation contre les troubles du sommeil. Ah, intéressant. On donne pas assez, je trouve. Ouais, c'est ça. 5 à 10. Ouais, on rappelle aux gens qu'on cherche sur Google la phrase qui est... Comment se reposer sans dormir. Voilà. Alors, dans Google Globe. Puis j'en ai trouvé pas mal des résultats. Là. Je vous avais le PDF. Là. Vous pouvez aller vous promener là-dedans. Je suis pas sûr que je vais pouvoir toutes les passer. Bien sûr, assemblagereki.com déjà. Je pense que c'est une des chroniques où j'ai le plus de résultats notés. Ah, OK. J'en ai trouvé, puis des intéressants, là, tu sais, parce que d'habitude, j'en ai plein des résultats, mais des intéressants, là, j'en avais beaucoup. Comme, rappelez-vous du film de Le Terminal. Oui, oui. Avec, Tom Hanks. Oui, Tom Hanks, qui est une histoire vraie, en fait, alors qu'il est un homme israélien, si je me souviens bien, qui s'est retrouvé enfermé, justement, dans un aéroport aux États-Unis, parce que son... C'est aux États-Unis, je sais. Mais c'est filmé à Mirabel, là. Ouais, tu m'avais dit ça. En France, je pense en France, Non, c'est l'ancien aéroport de Mirabel. Ah. Mm-hmm. Ah, ok. Ah. Mais ce que, moi, en tout cas, ce qui me surprend, c'est que il faut jouer un Israélien, tu prends Tom Hanks, évidemment. Ouais, en tout évidemment. Cas, c'est pas ça qui est important. Là. L'homme, il est resté enfermé dans l'aéroport parce qu'il pouvait pas retourner au pays à cause d'un conflit militaire. On a un site internet qui propose comment survivre dans un aéroport. C'est inspirant de ça. Alors, parce qu'à ce qui paraît, il n'est pas le seul. Non, ça c'est déjà arrivé. Même souvent. Ils ont fait une vidéo virale à un moment donné. Il y avait des gars qui avaient fait une vidéo virale par rapport à ça. Ils étaient enfermés dans un aéroport et ils ont vraiment filmé leur truc. Puis ils ont fait plein d'activités. Puis tout ça. Puis ça a fait le tour de la planète. Mais c'est ça, à ce qui paraît, ça arrive souvent qu'on se retrouve enfermé dans l'aéroport, au point où il y a un site internet qui parle juste de ça, survivre dans un aéroport. Mais c'est hot. Il faut que tu aies du Wi-Fi pour pouvoir aller le voir quand tu es dans l'aéroport. Ouais. J'imagine qu'il doit avoir le Wi-Fi à quelque part. J'espère bien. Fait qu'il explique, différentes façons, justement, comment se prévoir, la nourriture, puis quoi prévoir pour pouvoir bien dormir dans l'aéroport, bien se reposer, d'où le lien avec se reposer. Ouais. 10 mythes sur le sommeil. Fait qu'il y a toujours des top 10, 5, 4, 3, 2, 1. Il y en a plus que ça d'habitude. Ouais, il y en a plus que ça d'habitude dans mes chroniques. Mais là, lui, c'était un top 10 sur les 10 mythes sur le sommeil. C'est un hôpital, dans le fond, c'est le site d'un hôpital, si je me trompe pas. Question. Messieurs, si votre mère, quand vous étiez jeune, vous a dit que vous deviez vous coucher avant minuit pour être reposé, je tiens à vous dire, elle vous a menti. Ah, ben je savais que ma mère s'en mentait. Et là, je salue ma mère qui m'a nombreuses fois dit « C'est parce que tu te couches pas avant minuit. T'avais tort, mère. T'avais tort. » La vérité sort. Et voilà. Je l'avais lu ça aussi, mais il y en a plein de même qui sont... j'essaie d'en retrouver. Ça, c'est le mythe numéro 1 en plus, là, t'sais, au top de la liste. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a des classiques comme quand on ne dort pas, est-ce que le corps est passif. Quand on dort, est-ce que le corps est passif. Faux, mais je pense qu'on sait tous pas mal ça. L'activité physique aide à mieux dormir. On a souvent entendu ça par un prof d'édu. Moi, j'entendais souvent ça, puis j'ai beaucoup testé aussi que ça aidait à mieux dormir. Ben, en fait, c'est vrai et faux en même temps. Ah. Alors, bref, c'est intéressant d'aller dessus. Oui. J'ai mis le site sur le site de La Presse. C'est un bien beau hôtel pour dormir. Un bien beau hôtel pour dormir. C'est ça que j'ai écrit dans, dans mon PDF. Je trouvais ça bien drôle. Ben, c'est tout. J'ai essayé de lire l'article. C'est l'hôtel Kumara Ubud de Bali. Ben, honnêtement, ça a l'air d'être un. Pour qu'il en parle dans le site de la presse, puis je l'ai lu. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de villa. C'est un endroit qui est vraiment un lieu de repos, un lieu de décrochage carrément. Mais c'est tout. C'était un bien beau endroit. Il y a juste 10 chambres. Mais 10 mots, c'est belle chambre. Ouais, c'est oui, ça. Oui, ça doit être comme des villas, là. Tu sais, 10 villas, mettons. Mais c'est vraiment un endroit, c'est en plein cœur d'une forêt, là. C'est, t'es entouré de forêt, là, quand tu vas là. Live in la villa, là, quoi. Est-ce que vous dormez l'estomac vide? Parfois. Non. Non? Non. Non, rarement, très rarement. Ça arrive, mais rarement. Qu'est-ce que vous mangez? Mettons que vous avez faim, là. Vous rentrez chez vous, là. vous avez faim. Qu'est-ce que vous mangez, en général? Ouais, je suis pas un modèle à suivre, je pense. Des choses que je devrais pas. Je mangeais comme des biscuits secs. Ah, c'est pas super, ça. Des chips. Ouais. Non, c'est pas des chips. Ouais, mais tu sais, comme exemple, des craquelins. Oui, moi aussi, des fois, des craquelins. Mais en général, on évite tout ce qui est gras quand on va aller dormir. Là. Tout ce qui est très gras, qui est difficile à digérer. Donc, pour ça, Mathieu n'est pas un exemple, je suppose. Non, vraiment pas. Donc, on évite tout ce qui est gras, mais en même temps, c'est pas le fun parce que tout ce qui est gras, généralement, est bourratif sur le coup. Puis on veut quelque chose qui. Ok, j'ai jamais entendu ça. Pour vrai? Je suis sûr que c'est un mot. Ça, on le cherchera un moment donné. Okay. J'écrirai. Est-ce que bourratif est un mot sur Google? je suis sûr que c'est un mot. C'est un mot qui bourre et très nourrissant à chaque calorie, voire indigeste. Voilà. Pour une fois que c'est moi qui t'apprends. Ben voilà. Donc, voilà, on évite les choses qui sont grasses alors pour dormir. Fait que, mais il conseillait entre autres des yogourts, du lait. Plusieurs conseils sur quoi manger pour se remplir. Puis en même temps, à ce qui paraît, ce n'est pas nécessairement bon de dormir l'estomac vide parce qu'on va se réveiller en plein milieu de la nuit parce qu'on a faim. Le corps a faim au bout d'un moment. Tout à fait. Ensuite, un site, Fondation du cancer du sein. On donne pas assez. Ah. Un autre site. Okay. Les dangers de trop dormir. Ben, j'avais deux fondations qui sont glissées là-dedans. Je me suis dit, moi, les dire. Ben oui, les œuvres caritatives, c'est bon. Ben oui. En fait, la fondation du cancer du sein, je l'avais mis à cause que c'était une fille qui voulait gravir le Mont-Saint-Anne puis qui parlait de son expérience de gravir le Mont-Saint-Anne. Je voyais pas trop le rapport avec la question, fait que je l'ai mis. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on veut de cette chronique. C'est vrai, hein? Oui, c'est ce qu'on cherche dans la chronique. La pertinence. Les dangers de trop dormir. Parce que ça nous arrive, justement, on parlait de ça, de dormir, de se réveiller, se nouser, se rendormir. Ben, il y a un danger à ça, puis je ne le savais pas. Ben, et je suis victime de ce danger-là. J'ai résolu un problème, moi, comme ça. C'est quoi ton danger? Moi, je me réveillais tout le temps, puis je continue de dormir. Tout. J'ai de la misère à me réveiller le matin. C'est pareil, moi. Ouais, bon. Ben, toi, t'es pareil. Oui. Ça t'arrive-tu de te lever avec un mal de tête? Oui. Ben voilà. Ben voilà. C'est le danger de trop dormir. Ben voyons donc. Ça a du sens. Quand on se lève avec un mal de tête, en fait, c'est parce qu'on a trop dormi. Oh. Alors, c'est sur le site qui explique vraiment clairement c'est quoi le phénomène qui se passe dans notre corps. En fait, on casse notre rythme circadien faisant ça. Et ça vient un peu... Il y a une partie de notre corps qui veut se réveiller, une partie qui continue d'être endormie, ce qui fait qu'on a comme un déséquilibre à l'intérieur du corps. Là, je vulgarise, Je veux pas me faire taper dessus par des médecins, ouais, là. Mais je vulgarise. Fait qu'on a une partie du corps, le corps est comme en discorde avec lui-même, ce qui fait qu'on a un mal de tête. Alors, Se tient parce que l'automne a recommencé, puis j'ai commencé à avoir un horaire plus régulier, puis les maux de tête ont arrêté. Je me demande si c'est pas justement parce que là, je dors correctement. Peut-être pas assez longtemps, mais au moins correctement. C'est peut-être parce que tu buvais trop. Oui. Ben oui. Faut pas prendre la chronique non plus. T'sais, si vous sortez la veille, puis vous vous réveillez avec un mal de tête, c'est pas parce que vous avez trop dormi. Là. Arrête de de refléter ça sur moi, alors que c'est clairement de toi que tu parles, Tania Baudin. Hey, moi, je bois pas. Ben non. C'est ça. T'es sobre depuis 20 minutes. Oui. Ben oui, oui. Ben oui. 10 à 20. Les pages 10 à 20. Alors, On demande toujours la question, réussir à dormir. c'est quoi la question déjà? Attends un peu. Comment se reposer sans dormir? Comment se reposer sans dormir? Donc, Mathieu, tu dors beaucoup. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Non, je dors pas beaucoup, en fait. Pas en temps normal. Pas beaucoup. ouais, pour vrai. Ah, bon. 5 à 6 heures. Bon, ben moi, je dors beaucoup en général. Okay. Bon, Tania. Oui. Est-ce que tu trouves que je suis un beau jeune homme? Hey, veux-tu des compliments, il y a qu'un peu, lui? Ben oui. Bon, ben ça, c'est parce que je dors beaucoup, selon le prochain site Internet. Est-ce que t'étais en train de me dire que j'étais bel homme en disant que je dormais beaucoup parce que c'est faux? Ben non, tu viens de dire que tu dors pas beaucoup, fait que c'est fini. Ça explique ma face de crêpe. Fait qu'il y a un site Internet qui... Le site Internet compare en fait quelqu'un qui... La même personne qui a une bonne nuit de sommeil et quelqu'un qui a pas une bonne nuit de sommeil. En même temps, ça se tient parce que effectivement on le voit quand quelqu'un a mal dormi. Oui, je te le fais dire tout le temps. Les gens sont pas gênés de te dire, ouais. T'as donc bien l'air fatigué. Ben, merci. Je suis pas maquillée. Tu sais. Fait que le... Je suis en jogging. Mon chandail est fait en jogging. Ouais. Fait que le site l'explique, ça. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu une vérité vraie, comme j'aime dire. Fait que c'est quelque chose que, quand on y réfléchit un peu, ben, c'est normal, dans le fond. La personne a des cernes. La personne, elle se tient pas droit. Elle a de la misère à se tenir. Fait que c'est normal que cette personne-là va pas être attirante. En plus, elle doit avoir de la misère à tenir une conversation. Oui. Fait que, tu sais, tout pour l'empêcher. Fait que les mieux dormir Rambaud, ben, oui. Voilà. Oh, j'ai vu le prochain titre que tu avais mentionné et je l'ai mal lu. Je pensais que c'était le tour du monde en caca. Mais finalement, c'est pas ça. Mais parle-nous. C'est le tour du monde en caca pour tout de suite enlever le malaise qu'il pourrait y avoir. Je sais pas de quoi tu parles. Ben, je savais pas c'était quoi un caca. Un catamaran? Ouais, ben c'est un bateau. Je suis pas sûr que ce soit un catamaran. Là. Non? Non. Parce que ça ressemble vraiment pas à un catamaran. Mais ça ressemble à une espèce de voilier. Ouais. Ouais. Ah ben. Tu sais, dans le film avec... Ouais, ouais. Ah, il y a un voilier bien compliqué. Charlie St. Cloud. Ah, avec le beau Zac Efron. Ouais. Ben, il y a un des bateaux qui ressemble à ça. C'est un beau... c'est une belle anecdote. Mais dans le fond, il fait le tour... Le tour du monde avec son bateau à voile bizarre. référez-vous à ce que Tania a dit pour... Non, c'est parce que j'ai dit qu'elle avait donné une belle anecdote. Oui. Donc, la prochaine question, c'est quoi? La prochaine réponse? Ah, celle-là, je la trouvais vraiment intéressante. Pour vrai, je trippe sur cette chronique. Elle est malade. Dormir ensemble, oui ou non? Oui ou quand non? Quand on est en couple. Non! Non? Non! Deux lits séparés comme dans les romans des années. Hey, non, mais là, faut que vous compreniez quelque chose. Là. Tu passes ta vie à dormir tout seul. Après ça, tu t'en vas en couple puis tu défais tout mon rythme de sommeil. Hey, chose. Une femme mariée, ça. Ben, c'est ça? Curieusement, c'est exactement la même chose qu'ils disent sur le site internet puisque les personnes qui prônent le fait de ne pas dormir ensemble disent finalement, ont pour argument, c'est que ça défait le rythme de sommeil vu que chaque personne a un rythme de sommeil différent. Des fois, on se lève pas à la même heure puis ça cause des exactement. Et voilà. Fait que le site, dans le fond, c'est un gros débat entre ceux qui disent « oui, dormir ensemble », oui, mais pas trop, parce qu'il y a des oui, mais pas trop. Puis il y a des non catégoriques, ne pas dormir ensemble. Fait que des gens, bon, que ce soit parce que la personne ronfle, parce que les gens sont tout simplement pas faits pour dormir ensemble, vu qu'on est des personnes qui dorment chacun de notre côté, que c'est quelque chose de vraiment important de dormir. Pour certains, c'est une contrainte, être obligé d'aller dormir avec la personne en même temps, de gérer notre cycle en même temps. Ah, ça, j'haïssais ça. J'en viens, ça va se coucher. Ça te tente pas. T'es pas ma mère. Mais c'est ça, donc dans le fond, c'est ce fait-là de dormir ensemble ou pas. Et je trouvais que c'était un beau débat. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis en fait, je pensais pas que c'était un débat qui existait personnellement. Ouais. Mais j'imagine que oui, ça doit créer du remue parce que depuis que j'en parle, tout le monde veut s'exprimer là-dessus. comme ta blonde m'a dit hier que tu parlais d'elle sans cesse, est-ce que tu couches avec Annabelle? Ben, est-ce que oui? Tu dors dans le lit? Est-ce qu'on dort dans le lit? Oui aussi. Ok. C'est ce qu'il dit pas, c'est qu'il dort sur le divan une couple de fois. Non. Non, mais nous, à date, ça va bien. On a un cycle qui est plutôt similaire. Fait qu'à date, nous ça va bien. Mais j'imagine qu'après un certain temps, ton cycle s'habitue au cycle de l'autre aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, si ça fait comme 30 ans que vous êtes ensemble, à un moment donné, oui, les premiers mois ont été difficiles. Moi, je parlais surtout des premiers mois, là, comme... Mais, retourner dormir chez nous. Oui, c'est ça. Mais il y a moins la contrainte, c'est ça. Au début, c'est la contrainte de penser, OK, il faut faire attention, la personne est là, tout, je peux pas... Je vais-tu le frapper? Ouais, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, voilà, fait que vous pourrez poursuivre le débat sur ce site-là. Oui. Les chats. Là, ça fait trois chroniques que j'en parle, des chats puis des chiens. Fait que, un résultat d'animaux, peu importe la question. Un animal. un animal dans chacune de mes chroniques. Et là, c'est essayer de comprendre comment les chats, ils dorment. Ben oui. Parce que les animaux, quand ils dorment, c'est aussi important que nous. C'est la même. Ça, je peux très bien en parler, c'est mon domaine. Fait que ils peuvent très bien dormir, les animaux, puis c'est très important pour eux. Sauf que ce qui est important à savoir chez l'animal qui est différent pour nous, c'est que de réveiller l'animal ou de déranger l'animal dans certaines périodes de son cycle, on peut déranger autant son côté un peu plus sauvage, on appelle ça, son côté un peu plus agressif, farouche. Mais c'est pas tant de l'agressivité, c'est que on peut littéralement changer son comportement durant une journée juste en dérangeant son cycle selon où il s'en va. Alors regardez un animal, on peut comprendre la façon qu'il dort, est-ce que cet animal-là est heureux, est actif, est-ce que cet animal-là est en santé, simplement en l'observant au niveau comportemental. Et ce qui parle pour le chat, c'est les différentes phases de sommeil, justement, parce qu'il y en a trois. Alors, ils ont entre autres la phase d'aguet, alors où ils sont toujours aguets, ils vont se reposer. Le moindre petit bruit va leur faire bouger les oreilles des fois. Parce que le chat étant un carnivore, un athlète, les ont généralement besoin de beaucoup plus de sommeil. Ouais. C'est pour ça que les chats dorment énormément. Alors, c'est pour ça que les chats vont toujours chercher à dormir en hauteur aussi. Parce que la première phase de sommeil, c'est qu'ils vont rester aux aguets pour être sûrs qu'ils peuvent dormir. Ensuite, le chat va se coucher de côté en sieste. Alors, mais toujours dans une position prêt à bondir. Ouais. Alors, s'il y a quelqu'un qui arrive pour le déranger, prêt à s'enfuir. Puis ensuite, il y a la phase de repos. Et là, la phase de repos, si vous le dérangez dans sa phase de repos, vous perdez la confiance de votre chat. Aïe. Votre chat ne vous aimera pas. Oui, mais c'est parce que quand il est sur la chaise, elle peut pas... Est-ce que c'est la même chose pour les chiens? C'est similaire, mais pas exactement pareil. Honnêtement, il faudrait que je fasse des recherches, mais oui, c'est similaire. Chez le chien, on peut observer le chien aussi, la façon qu'il dort, puis on peut voir énormément de problèmes au niveau comportemental. Un chien qui fait de l'anxiété, par exemple, va avoir un sommeil beaucoup moins profond, beaucoup moins agréable, une phase, et lorsqu'il va se retrouver en sommeil profond, va avoir une phase beaucoup plus active. Ah oui, il va agir. Bon, mon chien est anxieux. Fait que c'est là qu'on peut savoir, est-ce que des fois, ça peut être simplement la journée qui est anxieuse ou un chien qui fait de l'anxiété, qui est un problème de comportement reconnu, l'anxiété de séparation, entre autres, ben on peut le voir justement en voyant qu'il dort, tout simplement. Hein? Intéressant. C'était ma phase. Vous voyez que je connais des trucs. Mais en tout cas, s'il faut que je m'assoie sur ma chaise puis m'achète dessus, je vais attasser même si elle dort. Faut pas m'asseoir sur ma chaise. Tu vas perdre sa confiance. Laisse-y ta chaise, Mathieu. Laisse-y ta chaise. Contrairement à toi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, OK, continue. Un café, mais pour les femmes. Juste pour les femmes pour dormir. C'est à Tokyo. Alors, c'est vraiment un café pour que les femmes viennent se reposer, viennent dormir, et c'est réservé aux femmes. Je trouvais ça plutôt drôle. Donc, plutôt réservez-vous un billet d'avion pour Tokyo. Ça va tout dormir là-bas, mesdames. Oui. 20 à 30. Attendez une minute, je vais juste charger le prochain lien. Alors, excusez-moi, je... Ouf, voilà, comme un chien. OK, je l'ai trouvé. Alors, il y a un site internet qui propose une expérience, ne pas dormir pendant 4 jours. On a tous vu ces expériences-là. Alors, on suit justement une personne qui, pendant 4 jours, ne dort pas. Alors, cette personne-là qui ne dort pas c'est du dangereux, tout, alors on suit. C'est très dangereux, oui. À ce qui paraît. J'espère qu'il n'a pas pris son auto, là, sérieusement. Oui, c'est ça. Mais je pense que tu peux te faire arrêter pour conduire en état pas en état de fatigue, mais comme en... Faculté affaiblie. Oui. Faculté affaiblie, parce que tes facultés de réflexe sont affaiblies. Dans le fond, cette personne-là fait vraiment le test. On voit vraiment la différence au niveau du visage. Entre autres, tu sais, quand on parlait de « ça rend beau dormir », là, on le voit. Ah. Là, on le voit clairement qu'au bout du quatrième jour, cette personne-là n'est pas attirante. Ensuite, dormir, ça draine au niveau du foie. Alors, le foie qui est assez exigeant. Alors, quand on dort, dans le fond, alors il y a le foie qui est assez actif. Alors, il y a des... puis ce site-là, dans le fond, parle des drainages de foie pour nous aider à dormir. Attends, comment est-ce que tu peux drainer ton foie? Et voilà pourquoi je l'ai mis. En éliminant Dieu de ta vie. J'ai trouvé ça vraiment étrange, justement, se faire drainer le foie. Sérieusement, moi, ça m'intrigue, là. Ben c'est ça, fait que le site en parle justement de... En fait, le site parle plus des bienfaits de comment ça se fait. En fait, il parle vraiment des bienfaits de se faire drainer le foie, puis de... c'est un peu dégueu. Il y a des photos, faut pas aller voir tout de suite. Mais ouais, non, il n'y a pas tant de photos. Non, pour vrai, les photos sont... Non, mais dis quoi utiliser, puis déjà en partant, ça me donne pas le goût de me drainer le foie. Ah ouais, parce qu'il y a une recette pour s'auto-drainer. Ça prend du... Ça prend 6 litres de jus de pomme bio. Ça prend du draino. Je m'étais pas rendu là, honnêtement. Du jus de pamplemousse rose. Oh miam, j'adore ça. De l'huile pressée à froid. 2 sachets de 30 g de sulfate de magnésium. Wow. Et là, ça explique pas vraiment. Ben, j'ai pas encore lu. Ça dit de le boire, en fait. de boire le mélange. Puis j'imagine que tu te vides de façon assez exceptionnelle après. Ah, ça doit être assez... On l'essaie d'ici la prochaine année. Non! Mais voilà, faut que je vous ai mis le site. Fait que si vous voulez vous drainer le foie tout seul ou avec des amis. Avec des amis. Vous aurez ce site-là. À la place du 5 à 7, drainez-vous le foie. C'est ça, à la place d'un rave, un drain. Et finalement, de la page 30 à 40, alors on tombe sur le site de Sugar Sammy. Alors, qui nous parle de son sourire. OK. Wow. Ça, c'est pertinent. Mais je finis toujours sur une des recherches quand on a atteint vraiment le summum du « ça n'a pas rapport ». Le fond du baril. Oui, ouais, c'est ça. Alors, c'est Sugar Sammy qui, sur son site à lui, parle de son sourire. Du beau contenu. du beau contenu. Ça fait le tour. Est-ce que c'est parce qu'il dort qu'il sourit? Mais je pense que juste dans l'article, au bout d'un moment, parce que je l'ai trouvé à un moment, il parle de son sommeil. Il parle de son sommeil, mais que ça même pas, c'est même pas le cœur de sa... C'est juste son sourire. Ils disent qu'il a un beau sourire. Bon, Sugar Sammy a un beau sourire. Ben voilà. Voilà. J'aime ça finir toujours sur un high. On aurait dû finir sur le drainage de foie. On parle-tu du drainage? Ah, du jus de pamplemousse rose. C'est ce qu'il vous faut. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. Ben oui. Merci Frédéric Bernard, la chronique Merci Google Fred. Globe. On fait ça les mercredis à 8h30 à Assemblage Requis. On te retrouve la semaine prochaine. On te revoit aussi à la 8, mais pas lundi qui s'en vient, l'autre après. Oui, exactement. Il y a un congé de la fête de la semaine de relâche. La fête de la semaine de relâche. Oui. C'est ça, si on veut. Bon, merci encore une fois, Frédéric Bernard. Ça va être pas mal la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Ben oui. Malheureusement, on n'a plus le temps pour rien d'autre. Ben non, mais on va parler d'argent demain. Demain, ta chronique. Parce que oui, en fait, la chronique que je voulais présenter aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps parce qu'on a eu tellement de belles conversations de belles avec nos chroniqueurs. Qui ont dormi. Allô. Exactement. Directement au studio. Mais non, en fait, on va en parler demain. Donc, demain, je vous parle d'argent, mais surtout des gens qui ont de l'argent. Ah! On surveille ça demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Alors, merci Sébastien Viertin pour sa chronique Bulletin Viertin et Frédéric Bernard pour Google Globe. Demain, on va être jeudi, demain. Déjà. On aura une nouvelle case horaire pour Alexandrine Pichet-Cyr. Oui. À partir de demain à 7h30, ainsi qu'une grosse pointe en dresse avec de la bouffe à manger avec le temps qu'on aura. Encore une fois, Frédéric Bernard est bienvenu à la chronique une grosse pointe en dresse quand tu veux. Donc, Et je veux juste vous rappeler aussi très, très, très brièvement, rapidement, peu importe qui nous écoute, ce soir, les Patriotes de l'UQTR au hockey reçoivent McGill, mais c'est surtout que l'événement, une partie des profits va être remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. Donc, si jamais vous êtes de passage à Trois-Rivières, près du Colisée, ben allez-y donc. Puis de toute façon, c'est toujours le fun d'encourager nos équipes. Absolument. Sur nos ondes, à 11h, le Dîner de cons avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show à 15h. Automatique, il est à 17h. Et dans quelques instants, les coups des franches. On se quitte avec une pièce de Francis Faubert sur l'album Maniwaki. Quelle est la pièce, Tania? Eh bien, c'est la pièce « Chaque fois ». On écoute ça pour se quitter et on se retrouve demain matin. Bon... Au revoir. Bonjour. C'est comme mon bonne journée, mais au masculin. Bonjour à vous. S'il fallait tu sois perdu quelque part entre la fin et le début, y'a rien qui se passe comme prévu. Si tu comprends plus ce qu'il y a sur le menu, si tu choisis la mauvaise branche, qu'elle supporte pas le poids des anges, si elle se brise, si tout s'effondre, si tu cherches ma main d'un décombre, si la vie est pas à ta hauteur à cause d'un gars qui niaisait que ton cœur. Si un jour l'amour te fait honte, c'est le fouet du temps qui nous dompte. Je vais être là à chaque fois que tu tombes, pour que ton soleil puisse sortir de l'ombre, je vais être là à chaque fois que tu tombes. Que tu consoles toute seule dans le silence. Si dans ton ventre la colère gronde, oublie pas, c'est le bon temps qui compte. si la vie se met à puer la mort, si l'envie te pognait de fuir ton corps, je vais être là à chaque fois que tu tombes. Je vais être là à chaque fois que tu tombes pour que ton soleil puisse sortir de l'ombre. Je vais être là à chaque fois que tu tombes. Tranquillement, je deviens un homme. Je me trouve des couilles